bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Auditrice, auditeur, je me sers du relais de cette émission d'intérêt général que représente Apéro Original pour vous faire parvenir un message d'une importance capitale. Aujourd'hui, notre monde va mal, la dérive populiste est à nos portes, la droitisation, l'extrémisme s'exprime par toutes les strates de la société. J'ai décidé de réagir. Sur le modèle des suprémacistes américains, je lance un grand mouvement pour la pureté du podcast. Le Parti National Podcastique. Le but ? Fédérer les podriotes, donc les patriotes et les auditeurs, sous une ligne identitaire forte, claire et souveraine pour mettre en place un podreich millénaire. Nous devons aussi aller plus loin devant le péril qui déferle sur nos ondes. Tous ces vidéastes, humoristes qui se revendiquent de l'étiquette du podcast sans en avoir la noblesse. Le droit des internets met notre société en danger absolu. N'importe qui pouvant se revendiquer du podcast, nous n'avons été que trop laxistes. Nous avons l'obligation morale de reprendre les valeurs du podcast. Je souhaite, pour cela, mettre en place des critères de sélection. J'ai alors choisi des critères physiques, car ceux-ci sont inaliénables. Pour nous, un individu cis blanc hétéro, mais surtout gras du bide et sentant fort la sueur, sera le seul réellement légitime à l'obtention d'une nationalité dans notre société de race pure. Les parias, les scories, les étrangers à nos modes de pensée, les putaclics, refusant l'assimilation, seront traités avec fermeté. Je souhaite la mise en place d'un fichage systématique conduisant au passage en centre de déradicalisation. Je sais que nos adversaires appellent ça des camps de redressement, mais ne prêtons pas le flanc à de telles affabulations. L'extrémisme sera traité avec dignité. Des commodités et des douches seront incluses, bien évidemment. Je ne souhaite pas m'étendre ici. Nous en ferons une petite fournée une fois prochaine. Cette révolution, mes chers amis, nous devons la faire ensemble. Cette situation est intolérable. Pour ma part, fer de lance de ce mouvement de fond, de vague, je me dois de faire preuve d'une probité sans faille. Aussi vertueux que le Zoom H4, aussi couriace et agile que le flux RSS. Pour illustrer cette détermination qui m'anime, je prends le nom de Gandalf 88 en signe de déférence aux illustres podriotes d'antan. Je sortirai aussi un livre compilant toutes mes réflexions pour rendre le podcast meilleur. Son nom, Mein Rüdkam. Le credo, la gageure, Ein Volk, ein Podreich, ein Führer. Nous devons lutter, mes pères, devant les mille menaces qui mettent en danger notre identité. Le grand remplacement vidéocastique n'a que trop duré. Redonnons de la chaleur à nos émotions. Malgré tout, quittons-nous sur une citation d'Henri de Lesquen. En réalité, un bon podriote aime son podcast comme une personne. avec ses qualités et ses défauts, et ne se sent pas le droit de l'abandonner pour un autre qui lui paraît plus séduisant, pas plus qu'un honnête homme ne consentirait à quitter sa famille. Bonjour! C'est Gandalf 81! Merde! Depuis 88 alors? Ah oui, pardon, c'est Gandalf 88! Maréchal, nous voilà! Non, bah, c'est pas possible là! Vous voyez qu'il était bien mon intro! Limite, ça fait celle du 8-3 quand même! Elle était super ton intro! Ah, j'ai bossé hein! Ah ouais! Et un jour, si vous êtes gentil, je ferai extrême gauche! Non, c'est pas la peine! Vas-y! Extrême droite, moi j'aime bien! Extrême droite, je me suis fait chier, j'ai cherché les beaux mouvements rhétoriques et tout, c'était beau! On pourrait faire un vrai podcast de redneck! Donc voilà! Donc voilà, maintenant qu'on a niqué un tank déjà qui devait être beau! Ah, visiblement. Ah, ben non, personne n'a réagi. Bon, visiblement. Ils sont tous partis en fait. Ma drip team, ben voilà, ma drip team n'a servi à rien. Oui. Donc voilà, bon, c'est Gandalf 81. Je vous présente ben, Apéro Original 9.2 déjà. Oui. Donc, on se retrouve. T'as déjà un mois ? Eh oui, ça fait déjà un mois. Ouais. Ça passe vite, hein. Ouais. Ouais, passe. On se retrouve en ce chaud mois d'août. C'est bien parti pour, on va dire. Oui. Voilà. Enfin, chaud pas au four. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Chaud patate. Chaud patate, voilà. Chaud lance patate. Chaud cartophone, quoi. Chaud cartophone. Et donc, bah. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors, à chaque fois, j'ai pas le prompteur sous les yeux en plus. Le conducteur. Conducteur, pardon, ouais. Ah bah, qu'est-ce que je peux dire ? Bah, qu'on est toujours des fusillés sur Pond Radio. Enfin, s'ils ont pas le thème du chat. On était diffusé sur Pod Radio. On était diffusé sur Pod Radio avant cet intro. Et j'ai regardé sur 3 canals en fait. Sur 3 canals ? Et on est sur 3 canals ? On est sur un canal. Non, mais sur 3 canals différents à des heures différentes. C'est-à-dire que les gens peuvent profiter de 3 nous. 3 canaux. Ouais, c'est ça. Tiens, on est vraiment le. À part ça, pas plus. Hein. 3 canaux. Si. Ah si. Ah, on remercie les peu votants des PPA, des podcasts. Les XY votants remplacés par les chiffres qui ont été donnés. On les remercie d'avoir voté pour nous. On aurait quand même préféré qu'ils votent pour quelqu'un d'autre, genre les autres concurrents, parce qu'on n'a pas les noms. Ouais. Voilà, donc on peut pas les citer. Mais ils étaient bien. Mais ils étaient, fallait voter pour eux de toute façon. Merci pour eux. Moi, les Filmcast, moi, je pensais qu'il allait y avoir une déferlante, une macronite aiguë. Mais visiblement, les gens nous... En marche. En marche, voilà. Le podcast en marche. À part ça, bon, bah, c'est un épisode tout à fait traditionnel, sauf cette intro, bien évidemment. Donc on va faire un petit C'est bien moublon, hein, le traditionnel moment que tous les autres podcasts nous regrettent, parce qu'il est d'une innovativité folle, bien évidemment. Juste après, on aura Imposé d'Azertop. Alors ça sera sur un manga qu'on a déjà un peu teasé dans les épisodes précédents, et pour les gens qui étaient à Podren aussi. Oui. Donc ça sera... Tu seras saumon, mon fils. Un manga, on en a un peu plus après. Et après, on a un quiz de Asto, un quiz bien énigmatique, car c'est Asto Airline. Oui, je vais vous amener en voyage. Ah, ça tombe. Ouh, bien. Attention, j'espère voyage. Que c'est pas Antoine de Maximi. Hein. Tu sais, à côté, j'aurais pu le refaire ce quiz en ajoutant les nouveaux. C'est dommage. Et voilà, c'est à peu près tout. Et donc, du coup, on va commencer par cette rubrique que le monde nous invite, donc c'est bien. Et il y aura peut-être un dossier surprise du coup. Ah oui, dossier surprise pour cet épisode. Oui, j'étais même plus en accord avec moi. Oui, en fait, tu nous présentes, mais non, mais je voulais les présenter cette fois au moment de la bière. Je voulais faire un peu d'innovation. Je voulais un peu de. Je voulais, tu sais, faire un peu de surprise aux gens au moment où on allait décapsuler les bières. D'accord. Bah, mais il y aura un dossier surprise, voilà, d'un de nos invités. Sauf si vous avez vu le 9.1, vous savez qui c'est. Mais c'est parce que ça n'a pas changé. Donc, nous séquestre depuis un mois. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah, allez, j'ai soif. Allez, non, vous fuyez, les gars. Alors, bon, vous avez entendu le jingle, mais peut-être pendant le jingle, vous avez entendu une voix suave, une voix en allemand. Non, ce n'est pas Göring. Non, ce n'est pas Joseph Mengele. C'est bien évidemment notre ami Bengele. Et c'est tant mieux. Hashtag rural normal. Et c'est par lui que nous allons commencer. J'introduirai l'invité. Parce que je lui avais déjà donné le décap en premier, donc je vais dire un peu. Je prends le décapsuleur. Mais tu n'as pas besoin. Je ne m'en sers pas. Voilà. Car une nouvelle fois, j'ai une bière dans une petite canette en métal. J'aime beaucoup les boîtes en métal. Cette fois-ci, c'est une bière de la marque Top budget. Oh, quel brasseur. Le brasseur, je sais pas, c'est pas marqué dessus. C'est marqué Quell Drinken à boire frais. À boire frais, Quell Drinken. Voilà, c'est ça. Elle fait 4 degrés. J'adore la beauté du packaging. Les femmes enceintes ne peuvent pas le boire. Mais par contre, heureusement pour elle, on peut mettre la canette dans une poubelle pour le recyclage. Ah, dans la Toshu. Tu peux mettre la canette dans la canette dans la Toshu. Je suis pas sûr que madame Toshu apprécie quand même le présent. Il y a rien quoi, il y a rien, c'est une canette, elle est assez jolie ma foi, elle est jaune, rouge et blanche. Au niveau du logo, ils ont un peu piqué, je sais plus si c'est quoi. Ouais, il y a deux lions qui sont autour d'une ça me fait penser à quelque chose, ça ressemble à Cronenbourg. À noter que Pépé et Jobas a validé ton choix de sélection. Encore. On est toujours dans la bière de Prolo. Un sétane de sapage du droit du travail, moi je dis c'est gros. Oh merde, la top budget. Après la 8-6, la top budget. Moi je veux bien te suivre pour la goûter parce que je veux savoir l'horreur. Ah, c'est clair, sinon, les gens. T'as un robinet avec de l'eau. C'est pareil. C'est meilleur l'eau. Même si elle est pas potable, elle est meilleure l'eau. Non, je suis sûr qu'elles sont bonnes. Tu les sens les pesticides, tu les sens les sulfites. Je te ferai goûter. J'attends que ça démousse. Ah, ça lui rappelle ses cuites de sa jeunesse. Bon, finalement, Pépé est toujours dans son âge de jeunesse, donc je pense que c'était des cuites qu'il a vécu il y a 6 ou 7 mois. C'est vrai, ouais, les cuites à la bière top budget à 4. Il faut quand même y aller. Une, ça suffit. Avec des bières, ça, c'est mon pépé. Avec des bières à 4. Avec la mousseuse à 1,15€. La bière de crevard. Monsieur, faites passer le. Faites entrer la cuisine. Bien sûr que faites entrer la cuisine. J'avais oublié. Tiens, je fais passer au Milou. Ah, ben voilà. Ouais. Ça y est. Le nom a été dit. Non, c'est la première fois qu'il. Enfin, la première fois. C'est pas la première fois qu'on le voit dans un épisode, mais c'est la première fois qu'il est avec nous. Donc c'est le milieu, pardon. Alors moi c'est comme le mois dernier. Enfin c'est la même marque, c'est toujours une Lemovis. Par contre là c'est une gueule noire, donc c'est une bière plutôt brune. Là je suis descendu en cylindrée, là c'est une 7 degrés. Notez qu'on est en train de perdre le chef de projet. Pas du tout. Et puis ben voilà, sinon c'est toujours interdit aux femmes enceintes. Hein. J'aime beaucoup le gueule noir, ça me fait penser à Carmon. Oui, et puis il y a un petit sanglier dessus. Ouais, c'est, je trouve ça, je trouve très joli l'étiquette. Il a sorti avec le pâté de maman. Sinon, ce bleu chimé là, ça me. Mais brillant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est presque le même bleu que sur le décapsuleur, dis donc. J'avais pas fait gaffe. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Et on est vraiment en train de partir quelqu'un. Mais pas de la façon qu'on s'y attendait en fait. Mais ah ouais, je te passe le décapsuleur après. Mets-toi une cacahuète dans le nez avec du guacamole. Mets-toi un pot à wasabi, tu vois. Le guacamole dans le nez, ça empêche d'éternuer. Mets-toi un doigt dans le nez. Ça empêche d'éternuer, ça, mettre le doigt en moustache. Hop. La robe a l'air. Dommage qu'on voit pas bien. Bien brune. Ouais, en audio, on voit pas terrible. On avait bien vu. Tiens, Zerto, je vois que t'as besoin d'un remontant. Éternue pas dans ta bière. Alors moi c'est encore une fois une craft beer qu'on a pris au Toulouse Beer Fest, comme quoi c'est thématique. Ah ouais, bah moi aussi. Moi aussi. Donc c'est une c'est la brasserie Moehau, donc M-O-E-H-A-U, à 31 Pointis Ignard. Donc c'est une Moehau NZ IPA. C'est des vraiment mis les uns derrière les autres là. Zinzin. Oui. Zen, c'est Nouvelle-Zélande IPA. Donc on va goûter ça et dire ce que j'en pense, c'est-à-dire elle est bonne. On se goûte ça tout de suite. On se goûte ça tout de suite. On se goûte ça tout de suite. On se goûte ça tout de suite. Hop, et on va verser. On a filé une idée à Pépé, après on s'écoute ça tout de suite. On se goûte ça tout de suite. Et oh! Ah, il y a c'est bien. À noter que ça peut faire un homme aussi un peu de podcast. En tout cas, de gens bien entre eux qui aiment se faire des choses. Ça sent l'IPA. Et bah, du coup, je vais donner à Asto. Eh bien, je vais rester dans la thématique. Je reste dans la thématique IPA avec une bière qui s'appelle l'Exo 7. L'Exomil. L'Exomil. Je vais être calme ce soir. L'Exo 7. 1993. De la brasserie L'Excuse. Et donc je vais profiter de ce qui est écrit au dos de cette bouteille pour dire, mais dis donc, Jamy, mais qu'est-ce que c'est donc une IPA ? Je peux le faire ? Ah oh bah dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'une bière à IPA? Asto. Parce qu'on dit toujours oui, c'est une IPA, mais on n'a jamais expliqué ce que c'était une IPA. Faut qu'on l'explique une seule fois. On dit why IPA. Alors, on se goûte ça tout de suite en direct de Donc c'est une bière artisanale de fermentation haute. L'exo 7 est non filtrée, non pasteurisée et refermentée en bouteille. L'IPA est une bière que les Britanniques exportaient en Inde pour approvisionner leurs troupes coloniales. Pour la conservation, on y a ajouté beaucoup de houblon, apportant ce goût caractéristique. Voilà donc ce que c'est une IPA. C'est une pale ale, mais voilà, pour les Indiens. Une pale ale. Pour les soldats anglais en Angleterre. Renforcée en houblon pour la conservation, pour qu'elle puisse faire le voyage jusqu'en Inde. Donc on est... D'où le Hyde IPA. Donc on est d'accord, c'est une bière qui a le bon goût des colonies. C'est ça. Exactement. Ouais. On reste dans le thème. Il y a bon. Donc, Exo 7, IPA, caractère explosif. Le bon goût du Reich. Non, là, c'est du Congo belge. J'ai failli amener des bières allemandes, j'ai bien fait de pas le faire. On aurait tous défilé là, le jardin. Le bruit des bottes. On aurait fait peur aux papillons. Ça mouche. Ça mouche. Attends, j'ai penché le verre. Mais... Ça mouche. Mais t'as pas de bol, toi, à chaque fois. Putain, à chaque fois. Bon, on a perdu. Ça sent l'IPA. On a perdu quelqu'un, déjà. Donc, on peut meubler. Bon, c'est... Ah, pardon. Pardon. Non, mais pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. J'allais te dire, bah, c'est à toi, mais oui, c'est à toi. Alors, vous savez, avec G80 a une passion dans l'œil, voire même deux. La première étant l'anus des gens. Enfin, surtout ceux des autres, hein, parce que... voilà. Ouais. C'est la passion de son propre anus, c'est l'auto-anusophilie. L'auto-anusophilie. L'auto-rectum. Rectomophilie. Que j'aime aller chez le proctologue. Et la passion des doigts dans son propre anus, c'est l'auto-digito-anusophile. Non, numérique. L'auto-numérico. C'est très drôle, j'apprécie beaucoup. On a même pas dit qu'on était. J'ai même pas fait un tweet pour dire qu'on était en live, parce que oui, on est en live. Enfin, toujours sur balado.direct. Voilà. Et donc voilà, donc, ma première passion, donc, c'est l'anus des gens. Mais ma seconde passion, c'est mon anus. Celle qui m'habite, voilà. C'est bien évidemment ma passion pour les bières. Corse donc, meilleure bière de l'univers. Il est là, l'enculerie. Sauf que, bien évidemment, toutes les meilleures choses ont une fin. Et étant dans l'impossibilité de trouver de nouvelles bières Corse donc. Je m'étais dit comment enrichir mon catalogue corsendonesque, et en fait je me suis rendu compte que la bière corsendonque donc en fait était faite par la brasserie du Boc dont j'ai un exemplaire devant moi, mais c'est aussi ceux qui font la blanche de Namur, très très bonne bière blanche, enfin très bonne. Bon. Passe bien, moi je trouve très bien, mais passe bien. Une voilà. Ganche basique, mais. Basique, mais parfaite pour très plein de trucs. Ouais. Et, quand on veut pas se poser de questions, moi j'y vois. Non, mais elle est pas dégueulasse la ouais. Branche. Et ils font aussi la bière Jackie et Michel. Ah. Ah voilà. Mais j'ai jamais goûté donc. Ça mélange tes deux passions quoi. Deux passions. Peut-être elle a goût au sperme celle-là, peut-être non, d'ailleurs. Ouais. Oh, peut-être on sait pas. Ouais, ce que je vais dire, qu'est-ce qu'ils mettent de si particulier pour que. Ou des poils plus bien. Ou des poils plus du beurre. Ou la cyprine. Du beurre. Dépend. La cyprine. Oh. C'est de la bière au beurre. C'est de la bière amateur. Ouais. C'est de la bière amateur. Avec un soupçon de vaseline. Quand tu l'as fini, tu la poses et tu fais. Merci Jackie et Michel. C'est que du bonheur. Non, moi aussi j'ai du mal à. Bon. Du bonheur. B-O-N-E-R. Ouais. Du bonheur. J'ai du mal à voir le. Blague de X millième écoute. Ah, hashtag c'est ici qu'il faut que je réécoute. C'était une blague, bonheur en anglais, bonheur. Ah bah oh, bonheur. Bref. Alors du coup. Tu sais pas ? Non. Bonne. Ah oui, bonne. Oh. B-O-N-E-R. Oula. Ah oui. Bonheur. Ah ouais, c'était une blague. Ouais, c'est ça. Le bonheur. Ah, attendez. Bonheur. Ouais, voilà. Non, mais elle était très bien, c'est nous qu'on n'était pas psychologiquement. Ah ouais, non, c'est ce qu'a de le dire, on n'était pas dedans quoi. On n'était pas dedans, oui. Elle était vraiment pas dedans. Puis tu sais, nous l'anglais, on est comme des japonais quoi, c'est un peu. Ça nous dépasse. Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Donc en fait, j'ai pris une bière gauloise. Alors visiblement, c'est une bière belge assez connue, mais que j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Je sais pas si quelqu'un autour de la table a déjà eu l'occasion de goûter. Il me semble pas. Alors, donc, et c'est fait donc du coup par la brasserie du Boc, et c'est eux qui brassent la Corsendonque. Et ça a un nom, d'ailleurs, c'est les bières façon, je crois que ça s'appelle façon ou je sais pas quoi. Donc c'est en fait. Non, parce que t'as les bières d'étiquette. Ouais. C'est genre ta bière top budget, ouais. S'il faut, c'est une chronomètre déguisée, je sais pas. C'est ça, c'est peut-être une bonne bière qui a une étiquette qui est pas prestigieuse. Non, c'est ça. Une cane, non. Non, non. C'est, ils ont même plus l'étiquette. Ouais, c'est du caca déguisé en du caca. Et donc voilà, y a, et les Corsendonck en fait c'est brassé façon, façon parce qu'ils ont une recette, recette Corsendonck j'imagine. Et donc là je vais goûter la Gauloise, donc c'est une bière blonde 33 et 6,3. Tranquillou, ça va, c'est pépère, donc ça doit être brassé je sais pas où, ou ça doit sentir la chaux de Namur peut-être, je sais pas. Pour l'instant je sais toujours. Donc on y va, les capsules. Ouais. Un petit coup, ouais, tu parles, non mais il y a toujours des blagues sur Cap de Nap. Oui, on se gougoute ça tout de suite. On se gougoute ça de suite parce qu'en fait, on n'est pas dans nos locaux ordinaires, on est dans nos locaux extraordinaires. C'est d'ailleurs, j'ai une question aux amateurs de bière présents là. À partir du moment où une marque fait des canettes de 12,5, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la bière? Non, on appelle ça de l'arnaque. Ah, mais j'ai goûté, c'est la Rochefort, non c'est... Non, Heineken qui fait des petites canettes de 12,5. Ah, ouais. Je pensais en volume alcool, mais je crois que je disais. Ah, non, non, en volume. Ils te filitent quoi. Ils te fournissent le sirop pour couper avec ou. Le picon. Le picon. Ça serait bien, ça, par contre. Parce que je sais pas, t'achètes un pack de 6 comme ça, déjà. Le plus drôle, c'est qu'on a déjà bu des bières. Déjà, même sur le coca ou les sodas ou c'est les mini canettes. Ouais, mais là, ça peut se comprendre, tu sais, avec du whisky. T'as besoin d'ouvrir une grosse bouteille. Ouais. À la limite. On trouvait presque une explication, c'est ça. Disons que c'est pour accompagner là, le coca. Oui. Le plus drôle, c'est quand j'ai déjà bu des bières qui avaient plus de volume alcoolométrique que d'autres. Ces bières qui avaient plus de volume. Comme quoi. Non, On va goûter. On va goûter, hein. Un jingle ou pas jingle? Ouais. Bon, un petit jingle, allez, vas-y. Petit jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter! On va goûter! Pouah! Allez, folle! Oh, j'ai faim! Ah, j'ai chaud! Ah, j'ai froid! J'ai soif! Allez, non, vous fuyez, les gars! C'est Ben, il était parti. Ben, il était parti. Ouais, ouais c'est un IPA. Ben, non, mais il y en a qui ont bu avant de trinquer, mais Ben, un bon début. Sans moitié ça, tu vois. Je trouve qu'elle a du nez. Je trouve. Ah, oui. Je trouve qu'elle a du nez. Ça, c'est marrant pour une fois. J'ai pas goûté encore, mais rien que le nez, déjà, c'est intéressant. Je trouve. Pas le nez, je pense. Ouais. Ah, tu sais, après l'IPA. Ah oui, ouais, c'est vrai, on n'a pas fait dans le bon sens. Comme toi, de l'IPA dans le nez. Non, toi, tu l'as pas ailleurs. Là, elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'elle est plate pour une brune. Elle a pas trop de. Ah ouais. Ouais. Ben, tout à l'heure, j'ai une brune de 5 degrés, donc je te dirais. Enfin, je trouve qu'elle a, ouais. Elle a pas énormément de goût. Je me naturalise un petit peu le nez, hein. Avec l'alcool de poire. Tu te resets le palais. C'est ça. Avec l'alcool à 90. Non, c'est un kill process. Il a pas énormément de goût. D'abord, il fait un kill process. Et après, il. Ça vient, ouais, c'est. C'est ouais, c'est plus après en arrière-bouche, mais c'est, fin, c'est pas. C'est pas bon. S'il y en a d'autres qui veulent le tester. Je vais goûter, moi. Moi, je veux bien. Si on passe à Ben d'abord. De toute façon, faut que je goûte sa bière. La mienne, qui est absolument. Elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. J'ai hâte de goûter ta bière top budget. Je suis déjà tout. Ouais, mais enfin, elles sont toutes bonnes vos bières après les miennes. Quand tu vois la couleur de. J'ai connu des brunes, la différence de couleur quoi. Qui c'est qui veut goûter? Ah, ça veut rien dire. Des fois, il y a des blondes qui sont bonnes. Alors, moi je vais commencer par celle-là parce que bon, faut pas déconner. Là, tu vois quand même, c'est vraiment trop pâle quoi. Ah, moi j'aurais fait l'inverse, tu vois. J'aurais commencé par la top budget. Mais elle est pas mauvaise, elle a pas budget. Du coup. Elle est. Ce petit. Ouais, un petit côté stout quand même, mais pas trop fort, je trouve. Ouais, c'est. Enfin, ça te laisse plus de goût après café, que. C'est pas si c'est une stout, hein. Non. Mais si, c'est un sens que ce tu petit côté chocolat que t'as dans les. Mais après, j'ai l'IPA, mais. Mais attention. J'ai pas retrouvé le côté. Tu vas voir, ça va. Mais tu l'as très peu, mais après. Ouais, oui, c'est un pas, goût, pas foufou, ouais, mais sur le coup, il y a. Fou, mais voilà, ça fait pas mal à la tête. Non, c'est. Quand t'as soif, c'est bien, quoi. Voilà. C'est au budget. Si t'as pas d'eau, ça c'est va. La bière du Tour de France, quoi. C'est pas un bon exemple. Enfin, juste pas bon. Ouais. C'est vrai que ça. Ah, les mouches, y en a marre. Hein. Alors. La bière du Tour du Reich. Et après, je pense que quand tout le monde aura un peu descendu sa bière, je pense qu'on présentera la bière qui. Oui, on l'ouvrira après. On l'ouvrira plus tard. Entre deux, entre l'imposé et le quiz, par exemple. C'est ça. Ou le second dossier mystère. Mystère. De l'Ouest. C'est ça. Dossier mystère. Bon bah alors du coup. Ah bah et ça tombe bien. Du coup, commençons par l'imposer d'Azertov et on parlera un peu plus de ce qu'on va parler. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Alors, je savais pas trop quoi faire jusqu'à il y a quoi, une semaine. Jusqu'à ce qu'on te sauve la mise. Voilà, en faisant un imposé sur Tu seras saumon mon fils. Donc c'est un manga paru aux éditions Akata. Akata, dans la collection What the fuck. Donc c'est Sohei Sasaki, si je le prononce bien. Sasaki. Alors. Tu fais quoi, d'abord la punchline ou d'abord le résumé de ce qu'il y a à l'arrière? On rappelle Toshu ou pas? Je vais lire déjà le quatrième de couverture. Donc c'est marqué en gros donc une comédie cynique qui sent bon le poisson. Pour Fion finit les concours de branlette avec ses potes. Sa mère vient en effet de se remarier avec un nouvel homme et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît rien ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école, où il devient très vite la tête de Turc et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, le jeune lycéen va évacuer toute sa frustration dans la rivière. J'aime beaucoup cette phrase. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà devenu père de Soman, l'homme saumon. Son quotidien ne sera jamais bouleversé. Donc voilà pour la mise un petit peu en situation. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien un saumon humanoïde. Un saumon avec des pattes. Avec des pattes. Et des bras. C'est ça. Donc dans ce premier tome qui fait une bonne 200 pages au compteur. Donc on va découvrir dans les premiers chapitres justement Chion. Je sais plus comment ça s'écrit. SH. Ouais, c'est Chion alors. Chion. Est-ce qu'il fait partie du coup, lui il fait pas partie de la confrérie de Chion. Non. Donc on découvre dans les premières pages l'activité fétiche qu'il fait à l'école, c'est-à-dire le 7e, les éditions des jeux Onanique. Donc c'est voilà. Le concours de celui qui éjacule le plus loin. Donc Lloyd, si tu nous écoutes, on pense à toi. Moi je suis déjà là, donc pas besoin de penser à moi. Donc ça c'est dans le premier tome, on apprend que voilà, ils font ça entre potes dans les couloirs du collège. C'est même le premier tome, Oui, oui, dans les premières pages. Donc voilà, donc ils s'éclatent et voilà. Donc quelques pages plus tard, on apprend que Chion va déménager parce que sa mère, dont il était un petit peu, ses camarades pensent qu'il est à fond sur elle. Donc un petit peu complexe d'Oedipe et tout sens ça. Sens propre ou sens figuré? Un peu déçu. Figuré, mais je pense que ça le travaillait un petit peu. Ça le travaillait un peu, on va dire, maman, elle a l'air sympathique. Donc du coup, il déménage dans une nouvelle ville. J'ai vu des mamans, bien sympathique. J'aime bien les milfs. Et à un moment, bah, il tombe nez à nez avec son beau-père qui couche avec sa mère. Donc ça, c'est plus tard, un petit peu plus tard. C'est normal. Ouais, c'est même plus tard. Oui, mais il n'y a pas de truc à dire entre deux, à part qu'il se fait maltraiter avec... Si. Qui change de nom. Exact. Exact. Donc, il s'appelait... Sauf que je retrouve, du coup, son nom normal. Il avait un nom totalement banal. Donc, au début de l'histoire, il s'appelle Shion Suzuki. C'est ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que le nom du nouveau mari de sa mère, c'est Masterba. Voilà. Donc, du coup, il s'appelle finalement Masterba Sion. Oh non. Oh là là là là là. Voilà. Mais c'est que ça a été traduit comme ça ou oui, c'est vraiment. Oui, non, je pense c'est la collection What the Fuck, donc même en VO, c'est un jeu de mots. Il doit y avoir un jeu de mots. Du même style, Ouais. Il doit être même la même chose. Hein. Ouais. Il doit avoir le jeu de mots, mais version en anglais, quoi. Donc, suite à ça, et un petit peu tête de turc au lycée, il tombe nez à nez avec donc, son beau-père qui fait l'amour à sa maman. Jusque-là, tout va bien. Normal, ouais. Et qu'il ouais. Il va franco, en plus. Il y va bien franco de porc. C'est quoi le rapport avec le saumon? J'y viens. Et ça viendra. Bah, comme le prix père, de. Parce que je vois le rapport avec l'arrêt, mais. Moi, je cherche à fond. Avec l'arrêt. C'est un autre poisson, mais. Ah oui. Ouais. Prix de stupeur t'étais pas dedans non plus. Et de malaise un petit peu, bah en fait, il va partir de chez lui. Fugue. Il va faire une fugue. Et pour se venger de cette frustration parce qu'il a vu son beau-père qui l'aime pas trop se taper sa mère qui apparemment lui il aime beaucoup. Ouais. Il s'appelle non mais à part l'allusion de ses amis et le fait qu'il se barre pour aller manger avec elle exprès, mais il y a 2-3 allusions qu'on on comprend, mais on voit pas, mais c'est son sous-texte. Sa maman elle est roulée quand même. Et bah il va se donner plaisir et se finir dans la rivière. Ah, se finir dans la rivière. Se branler au bord de la rivière. Au bord de la rivière et faire un jet qui va faire plus de 7 mètres. Lloyd, si tu nous écoutes, toujours présent. Donc voilà, donc c'est. Et il va également envoyer son badge. Et son badge, oui, parce que voilà, c'est un écolier, il vient de l'école, il a toujours son badge sur lui. C'est un petit collégien, Masterba, chiant. Donc voilà, donc il y a 3 ans qui se passent, donc on a un laps temporal de bien 3 ans, on voit pas la situation. Il finit, est toujours au collège, il suit sa scolarité classique de tête de turc. Il continue, voilà, il y a sa mère qui a des enfants avec son nouveau père, tout ça. Pauvre voilà. Masturba. Non mais il continue sa vie de merde quoi. C'est ça, et en fait je me suis complètement planté parce que c'est un soir où justement il va descendre dans la maison où il va tomber sur ses parents parce qu'il avait fringale, il voulait chercher à manger, qui va se barrer à la même rivière. Oui non parce que se branler au bord de la rivière il y va comme ça après les cours quoi. C'est ça, c'est pour... Oui, ah oui, c'est une habitude, c'est pas qu'il était pas frustré, c'est la première fois qu'il s'est tabassé, qu'il a la tête de turc et tout. L'image est magnifique. Comment est-ce que c'est dessiné, justement? Très bien. Tiens, regarde, et dis-moi. L'image de quand il se branle au bord de la rivière et qu'il éjacule, ou en fond, dans le ciel, tu vois toute la photo de tous ses potes. Ouais, c'est vraiment pour vous, les bros qui sont restés. Voilà, avec la puissance de l'amitié. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à le voir. Ça me fait un peu penser à Olivier Thorne. Il fallait croire à l'ami est en ballon. C'est pas, l'ami c'était balle. Là t'es à la fin. Ouais, là il pleure. Là t'es à la fin quand même. Il a l'air quand même de bien pleurer des petites bulles jaunes quoi. Et donc voilà, donc suite à ça, il va aller retourner à la rivière et pleurer, taper dans le sol, et là t'as Non mais pourquoi tu pleures manga, là pourquoi tu pleures. Oui, il entend pourquoi tu pleures. Et en fait t'as Soman qui sera nommé après qui sera nommé comme ça, qui débarque, apparaît. Ah ouais, c'est un petit peu gore, enfin c'est gore, c'est tu vois pas, mais c'est blanc quoi. En même temps ils font des concours de branlette hein, donc oui. Ouais, ça risque pas d'arriver. On ils enlèvent intégralement leurs pantalons pour faire des concours de branlette. Dans le couloir et de leur remettent école. Leurs chaussures après avoir enlevé leurs pantalons. Ouais, parce qu'à un moment, il y a un truc très drôle. C'est la tête de. C'est l'intello, tu vois. Il fait ouais, alors moi je suis calgété et tout. Et en fait, le gars il s'est sali les godasses quoi. Non, mais il y a une erreur d'impression là. Ouais. Pour vous, ça on voit pas de bite quoi. Non, mais c'est censuré. C'est justement. Oui, c'est donc, rigoureusement censuré. Ouais. Et donc il va tomber nez à nez avec Soman pour la première fois. Et en fait, par un jeu de déduction, enfin on va spoiler, il découvre que c'est papa. Son fils. C'est ton papa. Parce que le sperme, quand il a éjaculé, a fécondé un œuf de truite, de saumon. Saumon, ouais. Donc c'est normal au Japon. C'est Yuman Tarama, quoi. Il est éjaculé dans du tarama. Dans ce premier tome, cela c'est à peu près la moitié, un peu plus de la moitié du tome. Ouais, parce qu'à ce moment-là, un autre truc, c'est pas mal. Je vais vous demander ce que vous en avez pensé avant de dire ce que moi j'en ai pensé. Moi, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, mais ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai que on en reparlera plus tard, mais enfin. C'est what the fuck au possible. Les dessins sont assez spécifiques aussi. Mais il y a quand même un sous-texte. Ah oui, il y a énormément de sous-textes. Il y a énormément de sous-textes. C'est pas si, si vous l'avez perçu ou pas, mais quand on en reparlait, il y a quand même un gros sous-texte qui parle d'autre chose que juste d'un poisson homme. D'un homme poisson homme. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. J'ai bien aimé. Ouais. Et alors, ça parle de quoi? Faut le lire, je pense. Le sous-texte, ouais, faut lire la BD, quoi. C'est du bon sous-texte. Des fois, alors, c'est ça qui est assez drôle, je trouve aussi, c'est que des fois, les personnages veulent faire croire qu'ils sont, drôles. Des fois, il y a des scènes qui sont drôles, qui sont pas forcément méga drôles. Mais des fois, il y a des petites allusions par eux qui sont vraiment drôles, tu vois, que les personnages relèvent pas même entre eux, tu vois. Je trouve qu'il y a déjà une très bonne qualité d'écriture. C'est rythmé déjà, il se passe des trucs, et puis tu dis ça va partir dans une direction, non en fait ça tire un peu plus vers une autre direction, il y a des personnages qui sont un petit peu introduits, mais c'est des personnages qui sont quand même assez intéressants. À chaque fois il y a des petites pistes qui sont lancées, à voir comment ça va se développer sur le tome 2 qui est normalement sorti, hein, si ma mémoire est bonne. Il va pas tarder là. Enfin, ouais, voilà, au moment où on enregistre, il est sorti vendredi, je crois. Le vendredi d'où on enregistre, donc au mois d'août c'est bon, vous pouvez acheter les deux. Au mois d'août, ouais, on aura lu les deux. Moi j'irai d'ailleurs vite l'acheter le 2 parce que ça me. Et il y a. Alors aussi c'est assez bien dessiné, même s'il y a des trucs, c'est un peu rigolo, c'est les mélanges un peu photo. Photo-dessin. Oui, les fonds, ouais, ouais. Ça fait assez. Ouais. Mais c'est des photos, certains. Ouais. Certaines pages ça se voit un peu plus, ça se dépend, mais certains trucs ça se voit assez bien quoi. Parce que bon, après c'est pareil, vous verrez que le papa il est un peu. Enfin, le beau-père il est un peu chelou. Un peu Yakuza sur les bords. Il est complètement Yakuza avec un gros dessin de truite dans le dos, enfin de saumon. Alors du coup, je vous coupe, mais la date de sortie, donc c'est déjà disponible, c'est sorti le 22 juin. Les gens pourront courir une fois qu'ils auront écouté cet épisode. Pour aller s'acheter. Non, mais il y a. Et ouais, là où j'ai été beaucoup surpris, c'est que bon, déjà la qualité des dessins est vraiment pas mal, surtout du découpage. Parce que c'est pas toujours. Le dessin le est pas. Le gaufrier ou le. Ouais, ça sort un peu du gaufrier, mais. Tu vois, des fois, c'est un peu dessiné chelou pour te faire passer des émotions, tu vois. Il est. Parce que c'est lui qui avait fait aussi, comment ça s'appelle, il y a le truc à la fin, c'est Virgin. Virgin Dog Revolution. Ouais, qui était déjà, c'était un peu dessiné chelou, mais c'était super bien aussi. Mais parce qu'il est web, au Japon il y a aussi des séries qui sont dessinées un peu chelou, c'est pas du dessin hyper académique, mais oui, c'est plus dans la tranche comique où justement les dessins sont un peu moins exagérés, un petit peu moins, ouais, voilà. Ouais, ils font moins attention parce que ce qui est le principal argument à faire passer, la notion, c'est l'humour en fait. C'est plus les situations qui vont être drôles plutôt que l'aspect dessin qui va amener quelque chose. Ah non, moi j'ai trouvé ça. Bon, il y a pas des passages vraiment drôles, mais c'est pas. Si je le relirais, tu vois, c'est pas parce que c'est drôle, tu vois. C'est pas que pour ça, tu vois. Parce que, tu vois, des beaux marqués What the fuck, le titre, tout ça, ben en fait, c'est vachement profond. J'ai trouvé ça hyper profond en fait. En termes de thématiques abordées. Il y a un gros sujet en sous-texte sur tout le tome, c'est dans le titre, c'est le mal-être de la jeunesse japonaise. Moi je voyais plus l'affiliation, tu vois. C'est plutôt ça, tu vois. Du coup, j'allais dire ce que j'aurais pensé. Mais rien. J'ai pas accroché en fait. Ah non, mais ça après, c'est. Je me suis pas limite fait chier, mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Et à lire complètement le truc. Déjà, c'est les mangas, déjà. Quand on n'est pas très. Plus trop manga. C'est ça. Mais après, je pense que moi, ce qui m'a fait le plus. Bizarre, c'est quand on voit l'apparition la première fois de Soman. Ouais. Donc sur cette double page-là. Je pense que là, on a deux types de dessins. Ouais. On a le dessin classique manga par Chion. Et on a le dessin par ordinateur. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est sur son mode. Et là, du coup, ça me donne cette impression-là. Après, c'est peut-être juste la mise en profondeur. Enfin, la mise en couleur sur les valeurs, l'ombrage et compagnie, qui donne cet effet-là. Mais à partir de là, donc c'est fin du premier chapitre. Ouais, c'est la fin du premier chapitre. Le premier chapitre est assez gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que le chapitre 2 est très court. Et le chapitre, c'est ça. Ça m'a sorti, en fait. Ça m'a sorti l'histoire, et à partir de là, je fais. Ouais, ça va être compliqué de continuer et de voir que il y a deux types de dessins à chaque fois. autant sur Gantz qui utilisait justement le dessin par, par ordinateur pour faire les planches. Non mais Gantz c'est des dessins de ouf déjà donc. Voilà, t'avais pas le même rendu, alors que là je pense qu'ils utilisent la, dessiné, même, la même chose. Voilà, c'est petit, c'est un peu en dessous quoi. Gantz, mais je sais pas, ça m'a sorti. Après, le sous-texte que là en y repensant, que je vois, c'est vraiment l'affiliation, les différents types de pères qu'on peut avoir. On va avoir le père Yakuza qui délaisse complètement on va dire le premier fils. Ouais, parce que dans les deux cas, c'est subi. C'est ça qui est intéressant. On va voir du coup Shion ouais. par rapport à Soman qui va avoir une attitude je le rejette complètement. Voilà. Et c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui le martyrise. Le mec qui le martyrise. Devient son meilleur pote. Ouais, voilà, qui dit, ah bah, moi je m'en fous, je t'accueille comme tu es. Parce que voilà. Parce que voilà, donc tu as cette notion de parent, et du coup tu as Shion qui fait, ah bah oui, j'ai peut-être, je l'accepte un petit peu comme ça. Bah, ouais, j'ai préjugé, j'ai fait un gros préjugé parce qu'il est pas normal, c'est un sommeau quoi. Ouais. Alors que lui, il accepte complètement. Et ensuite, on va voir le père de... Ou le grand-père. Le grand-père, il a pas de parents. Ouais. De... son pote, je sais plus qui. Il s'appelle pas Tsuki ou Kiji. Il s'appelle pas Tsuji ou c'est quoi pas. Je non, vais lui. Te dire ça. Blablabla, blabla. Jinji Ito. Ouais. Donc, Jinji. Ça, Shinji. Ils ont des gueules, en plus, j'adore. Donc, son grand-père à lui qui va. On a l'impression, de ce que j'ai lu, qu'il avait une autorité sur Shinji. Très fort. Mais lui, c'était la petite racaille. Mm. Et que c'était en fait le grand-père qui le martyrisait un petit peu. Ouais, le redresseur de tort. C'est ça. Alors qu'en fait, tu comprends que. Pas du tout. Enfin, tu découvres vraiment quand il y a Shion qui l'a. Qui voit pour la première fois vers la fin du tome que en fait son grand-père est quand même plutôt assez cool. Mmh. Il y a juste marre que son petit-fils il fasse le couillon. C'est ça. Il y a plein de. Voilà, on voit différents types de paternité, paternaliste, pater, je sais pas quoi. Qui sont pris dedans. Et après, souvent c'est de la paternité en plus, tu vois, même si elle est souvent subie, tu vois. C'est ça qui est intéressant, tu vois le grand-père qui est obligé de s'occuper du petit-fils. C'est ça. Le saumon, en fait, finalement, il n'y a que le garçon, mais le saumon, en fait, où c'est une paternité. Direct et de facto, tu vois. Oui, c'est marrant. Mais dans un sens, il subit aussi. Oui, il se subit aussi, oui, parce qu'il découvre qu'il est père, donc c'est plutôt par là. C'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est plus de facto, c'est plus. Voilà, c'est ça qui est assez. Moi aussi, je parie que si Pour l'avoir feuilleté un peu, là, est-ce que c'est pas typiquement le type de manga qui est quand même ancré dans la culture japonaise et que la VF peut carrément détruire? Non, c'est écrit avec assez de finesse pour quand même. Ça va, c'est pas des thématiques. Je pense que c'est quand même assez bien retranscrit en VF. Parce que je suppose qu'il y a des histoires, enfin, oui. Ne serait-ce que le nom du personnage principal, c'est un jeu de mots. Ouais. Bah, ils ont dû justement essayer de chercher un truc qui serait. Ouais, un équivalent en France, voilà. Mais est-ce que c'est l'équivalent de la signification que ça a au Japon? Compliqué ça, parce que je sais pas le nom de base. Je pas pense. Ouais. Ouais. Oui, je pense. Pas, que... Peut-être pas mot pour mot, mais ça va être une allusion dans ce style-là, avec des noms qui sont propres quand même au Japon. Parce que ouais, non, ça a l'air d'être un univers complètement barré, donc. Oui. Ah oui. Donc je pense que ça doit être assez facile d'être à 200 km de la traduction, même en voulant faire le mieux possible, quoi. Parce que Shion qui se fait martyriser, qui se retrouve tête de Turc, c'est à cause de son nom, justement, oui. Quoi. Oui, oui. Tu vois, quand il arrive dans son nouveau lycée, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il s'appelle Master Bastion. Il se fait « le branleur », tout le monde appelle le branleur, et c'est de là que... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est au Japon. Que vient le... Tape à l'école. Le bullying... Ouais, c'est un nom spécial, ouais, c'est pas une ligne, mais c'est un nom spécifique, mais bon. Je vais regarder, faut passer 5 minutes. Tant qu'on compte. Non, mais ouais, moi j'ai trouvé. Voilà. Au début, je me disais, alors vers quoi on va aller? Est-ce que ça va être un truc que drôle? Non. Très clairement. Non. Je trouve, non. C'est même pas le point fort du. Je trouve, si, c'est drôle. Mais c'est pas le point marquant, voilà, moi je trouve. C'est pas l'axe principal, c'est pas le point marquant que je veux. Pas grand chose de drôle non plus, hein, dedans. Hein. Non, c'est ça qui est drôle. Si, à un moment, il y a une phrase qui m'a fait marrer. Quand il montre la vidéo porno. Oui. Qu'il la met partout. Ouais, hein. Qu'il la met partout. Ah oui, c'est très drôle. Et puis, avant, qui dit, regarde, voilà. Mais non, voilà, il va la sodomiser. Oh non. Non, et ouais, il trouve toujours des petits trucs pour relancer la machine, ça qui est bien aussi. Je trouve que ça a une certaine, c'est un certain recul. Parce que moi, je sais que les Virgin... Révolution. Ouais, j'en avais entendu du bien déjà. Pareil, c'était 2-3 volumes, bon, maxi, je crois, pas plus. Je sais que j'avais déjà donné pas mal de bien. Et là, je comprends un peu pourquoi, tu vois. Parce que, voilà, ça fait partie de la collection What the Fuck, mais parce que c'est juste le... Oui, c'est le... Justement, le fait qu'il y a un saumon dedans... Voilà. Qui... C'est quand même fortement improbable, c'est oui. Fait... Et puis c'est papa Yakuza qui a un poisson dans le dos aussi, est-ce que c'est pas pareil? Ouais, une carpe, hein, le carpe koi. Ouais, c'est très symbolique aussi, je pense. Oh bah oui. Parce que, alors c'est le Ijime que tu te fais harceler chez les Japonais. C'est ce que j'étais en train de chercher. Et il y a, en parlant de ça, il y a un très très bon manga qui s'appelle Life. Ah oui. Qui traite justement de l'Ijime. Il en revient. Ouais. Donc c'est là, c'est plus typé Sojo. Ouais. Donc plus, on va dire, pour les filles, grands yeux, bien expressifs, dessins plutôt mignons. Et le manga traite de ça justement, et c'est un très très bon manga. Non, moi, tomber sur une réplique, une faciale sur son père, ça se fait pas. Ouais, voilà. Oui, parce qu'à un moment justement, quand il regarde le film de cul, la première fois qu'il voit une vidéo porno, t'as le saumon qui comprend pas ce qui lui arrive et puis il en met partout. Voilà, sur son père. Mais non, mais j'ai abusé. Bande des nageoires. La façon qu'il le dit, bon ben je m'excuse de tout avoir fait un. Putain, mais c'est. Moi j'étais mort de rire, je me suis dit putain, mais. Ouais, par contre, j'ai fait ouais, peut-être que pour tester, j'en lirai un, mais je pense pas que je ferai des tomes et des tomes. Non, il n'y en a que deux, de toute façon. Il y a un tome fini. C'est deux tomes finis. Après, c'est des volumes un peu plus gros, donc ils sont un peu plus chers. Ils sont à 7 euros. C'est 95, je crois que j'ai vu. Ouais, toi, ouais. Papa, ah oui, non, je croyais que c'était un peu plus encore. Hein. Non, ouais, non, ça va. Non, je pense qu'on va voir ce qu'il va y avoir dans le 2. Parce que... Comment ça se déroule? Et on va voir le grand-père. C'est ça. Le fameux grand-père de Soman. Oui, parce qu'il est grand-père. De Soman, qui lui a tout appris. Je sais plus si tu l'as dit, mais le titre d'origine, c'est quoi? Oula, bah, pas les moins de Soshite Iru Somono Fisodes. C'est, je vais te dire ça. Donc faut meubler. C'est chiant. Fly, Ikea, Conforama, But. Tout ça. Ah, la bouche est patine. Maison du monde. Maison du monde, Casa. Faut meubler. Oui. Attention, le japonais de top. Fais-nous rêver. Avec du saumon. Avec du saumon. Je le trouve avant toi. Et du coup, pour Noël, ça marche bien ce manga? Non, c'est pas du tout ça. Saumon dans les. Bah je sais pas, il y a pas de page Wikipédia. On va laisser faire le Jones à côté là. Une semaine qui est chaude, est-ce que c'est une semaine fumée? Par contre, une blague qui est très très drôle, c'est quand ils arrivent dans l'appartement de Ginji. Que bah, en fait, il prépare à manger. Ah oui. Et il fait des tranches de saumon. Ah oui, j'ai pas lu les ce qui se passait. Et t'as Chien qui fait « Mais non, mais tu vois pas, t'es fou, tu lui fais manger du saumon. » Et là, t'as la réplique qui fait « Oh, c'est trop bon, je me régale. » Putain, t'as deux mecs qui se régalent et qui... Ah, ouais, c'est ça, du cannibalisme. Non, ouais, c'est ça, il y a toujours un petit truc, tu vois. C'est, même quand c'est dur, il y a toujours un peu de... Même quand, tu sais, quand c'est un peu dur. Tu vois. Ah oui. Non, mais ça prend toujours un peu de recul, tu vois. Mais oui, oui. On pourrait, c'est pareil, on pourrait dire que l'histoire. En fait, j'avais presque envie de faire le jeu de mots, j'aurais dit que l'histoire en fait, de la création du saumon, c'est une histoire qui est vite évacuée. C'est pas le truc du problème. C'est pas le cœur du problème. Donc le titre en VO, mais traduit, c'est Salmon. Ah, c'est le nom du personnage, quoi. Ouais, ouais. Nous on a traduit en. Saumon. Saumon Man. Pourquoi il n'y est pas dans ma collection, pourtant je l'ai ajouté. La branlette nature. La branlette nature. Oui, donc voilà, donc c'est un amateur de branlette nature. Ouais, la mouche qui glisse. Ouais. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître comme prologue pour un manga, commencer par un concours de branlette. Oui, bah, c'est quand même. Et puis en plus, c'est bien que ce soit. Je trouve que ce soit. Je trouve que le floutage en plus, c'est, ça ramène presque un peu de corps, tu sais, comme ça. C'est, tu vois, ça prouve bien que c'est pas le principal, c'est pas l'acte de la branlette en fait. C'est pas, regardez, je dessine une quéquette avec des veines, regardez, c'est joli. Non, c'est pour vraiment les gars, le gars se marre en se branlant quoi. Et je trouve que pour une fois, le floutage, c'est quelque chose d'efficace. Mais ça leur évite de devoir le mettre en 16 ou 18 plus, hein, surtout. Hein. C'est, sûr, c'est ça, surtout. Mais je trouve qu'au moins, je trouve que ça rend. Du coup, ça rend justice parce que le principe, c'est pas des gars qui se touchent la caguette. Et du coup, ils le vendent pas le blister ou ils le vendent comme non, ça non, comme ça. Ouais, ouais. Vendu comme ça. Souvent, on avait discuté sur Twitter, bah, suite, je crois que c'était 8.1 ou 8.2. Mm-hmm. Vous aviez parlé, vous aviez évoqué Sarulok où le premier tome avait été vendu sur blister à cause d'une scène. C'est à cause de moi, il était typé moins de 16. Enfin, il y avait le. Ouais, enfin là, dans les premières pages. Attache-moi qui est moins de 16. Il est pas du tout une moins de 18. Moins de 18. Mais après ça roule, c'était il y a quasiment 10 ans quoi. Déjà. Bah ouais. Oui. Grosso modo. Grosso merdo. Ouais, à quelque chose près. Non, c'est pas ça, c'était scène. C'est attaque de mouche. Attaque de mouche. Oui, c'était attaque dans la collection Senpai ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, de chez Pika. Pika, oui. D'accord. Pika Senpai. Donc voilà, moi j'ai pas trop accroché. Peut-être en deuxième lecture, en lisant les deux tomes d'un coup. Fait quatre l'œuvre d'un peut-être unité, que, hein. Ouais. Mais là, ça m'a pas. Ça m'a pas. Moi je sens que je vais vite courir au magasin et aller l'acheter parce que quand j'ai. Je voulais te courir au bord de la rivière. Ça, c'est le film. Parce qu'il y a une rivière ici, vite, pas vite. Alors je vois 26 décembre 2009. Oula, on va faire Tanchman. Pour ça, Oulok ? Pour ça, en France. De quoi ? Ouais, donc ça n'a pas encore 10 ans. Donc ça commence déjà à avoir du kilomètre. Ah, oui. 8 ans. Enfin, on devient vieux. Pour l'année. On devient vieux. Je prends un Pringles à la crème. C'est thématique. Mais ouais, je sais pas quoi d'autre rajouter parce que ça m'a pas plus emballé que ça. Ça t'a pas sorti quoi? Autant le. Jignoroska. Ouais. Znegoroska que tu avais fait en imposé, même si j'avais été pas rentré dans l'histoire ni rien. Ça c'est le contexte, plus, c'est le contexte. Le contexte est plus intéressant que. Il y avait un contexte historique. C'est ouais, ça, voilà. Oui. Au moins tu pouvais lire pour l'histoire avec le grand H. Oui. Voilà, t'apprenais des trucs. C'est vrai que là, bon, l'histoire avec un grand H, autant te dire. Oui, c'est. À part que ça soit contemporain, tu t'en fous un petit peu. Et c'est ça, oui. Est-ce que. Ah ben t'as, il y a les mouches qui s'enculent. Voilà, ça. Donc bah voilà pour moi Drop the Mic. Drop the Mic ado. Je sais pas combien on en est combien là. 52. 52 putain mais on est bien. Mais c'est très bien, ça laisse le temps de faire le deuxième dossier. Le quiz. le quiz. Du coup, on fait quoi? D'abord le quiz et ensuite le. Ah oui, pour couper un peu, un petit quiz. Et un puis, petit quiz, ouais, c'est le plus facile aussi, toi, c'est bien. Donc, du coup, on s'ouvrira une petite bouteille de divine après. Oui. Pour l'instant, là, je. Merci, inspecteur Gadget. Pas celui-là, en fait. Voilà. Eh ben, enculeur de mouche là, il vient ici, il est aux gens. Hop hop hop hop hop, hop hop hop hop hop. Voilà. Je regarde pas. Ouais, tu regardes pas. Non, mon balle. Ah non, c'est la mouche qui m'a attaqué. Donc. Parce que fais gaffe, je suis en face quand même. Ouais. Hop hop hop. Ça, je l'ai pas. Non, tu de la mouche. Un quiz agence de voyage. Agence touristique. Ah, pardon. Mais agence de voyage un peu particulière. C'est-à-dire que je vais vous donner des noms de villes, de régions, de continents, de monde. Zones, de monde, de tout ce que tu veux. Proxima Centauri. De jeux vidéo. De jeux vidéo LOL. Oh, je suis nul. Ça va être à vous de retrouver. Sochite. Je vais l'user à mort. De quel jeu vidéo ça vient? Si ça vient pas du tout d'un jeu vidéo en fait. Peut-être, il y a peut-être des pièges. Tu aimes les quiz, petit coquin? Oui, j'aime les quiz. Quand j'en ai. C'est quoi? Alors, on va commencer de suite. Je trouve ça joli. Avec Amakna. Est-ce que Amakna ça existe? Non. Comme agence de voyage? Non, comme nom de destination. pays, de lieu, de. Oui, je dirais oui, parce que ça me dit quelque chose, mais je sais pas du tout d'où ça vient, si ça existe. Continuons. Loin, je sais pas quoi là. Parce qu'il faut dire de quel jeu ça vient? Oui. Si c'est réel, bon, bah alors je dis que ça existe pas. Si ça vient de jeu, je veux savoir de quel jeu ça vient. Et si tu veux savoir dans quel cheval, tu veux savoir dans quelle course. C'est ça. C'est dans quoi ça? C'est le grand tournement, non? Oui, c'est le grand la classe américaine. Ouais. C'est quand il fait. Et si c'est un cheval, tu veux savoir dans quelle course. Amagna. Non, ça va pas être réel. Du jeu vidéo, hein. Ah, jeu vidéo. Enfin, je pensais que c'était un peu plus. Non, c'est, je suis sûr que sur du jeu vidéo. Hein. Que du jeu vidéo, lol. Je saurais pas dire. Donc, Amagna, ça n'existe pas? Non. Lindrin Skyrim. Ce n'est pas un jeu vidéo. Skyrim, c'est un. Lindrin Skyrim. Alors, Amagna, en verlan, ça fait quoi? Bah, Amagna. En Kama. Donc, ça existe. C'est dans Wakfu. C'est dans Dofus. Ah ouais? Je cherchais. Eh oui. Ah bah tu m'apprends vraiment quelque chose. Et dans Dofus, il y a que des trucs en verlan. En fait, c'est pour ça que ça me disait quelque chose, pas pour Dofus, ça me disait quelque chose pour Ankama, quoi. Voilà. Amagna, c'est donc Ankama en verlan, et donc ça vient de Dofus. Ah, le chef, il est perplexe. Ouais. Il est perplexe. Est-ce que les îles Sévi, ça existe? Oh, c'est dans Pokémon, ça. Non? Non, t'es pas Pokémon. C'est vrai qu'un truc qui commence par île, déjà, ça me trompe Pokémon. Ouais, ça ressemble bien du Pokémon, ça. Moi, je connais Sévi, mais pas... D'ailleurs, il y a des Pokémon ici. I play Pokémon Go every day. Les îles Sévi. Sévi. Sévi. S-E-V-I-I. Ah, V-I-I. Sévi. Putain, ça fait nom de... Final Fantasy. Non, ça me dit rien du tout. Les îles Sévi. Je vous l'accorde, c'était bien dans Pokémon. Ah. Sinon, d'un Pokémon vert feuille et rouge feu. Ah bon, c'est le remake des versions. Oui. Et ils avaient rajouté des trucs. Est-ce que Madainé salé, ça existe? Moi je connais le bœuf salé. Ça me dit absolument rien. Madainé salé. Il est trop dur ton quiz. On est trop des cons, il faut appeler Pipo Mantis, il va nous aider. Regardez sur le chat au cas où, je sais pas, moi j'ai pas le chat du coup, mais... Ah, c'est les gars sur le chat qui trouvent. Ils sont aussi doués que nous. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat déjà? C'est ça, I play Pokémon Go. Alors, Madainé salé, ça existe, hein. Ah. C'est bien un jeu vidéo. Madainé salé. Madainé salé. Non, ça vous dit rien du tout? Non. Non. Est-ce que le personnage de Eiko, ça vous dit quelque chose? Eiko le dauphin? Non, Eiko. Eiko. Oui, Eiko. Eiko. E-I-K-O. Eiko le... Comme ça, oui, ça me dit quelque chose. Le jeu où on prend une femme par la main et faut pas qu'elle se fasse casser la gueule. C'est un personnage de jeu vidéo, Eiko. Je veux jouer le jeu Eiko. Et Madainé salé, c'est là d'où vient Eiko de Final Fantasy IX. Ah, toi j'avais dit Final Fantasy, mais pour l'autre. C'est la terre des invoqueurs de Final Fantasy IX. Madainé salé. Tu sais, je l'ai même pas. J'ai même pas sous Blister pour dire que. est-ce que Ganarn, ça existe? Sword Art Online. Non. Au début j'y ai cru. Je me suis dit il a putain. Il sorti ça. Bim. Bim. In your face. En même temps, c'est pas un jeu donc. Bah si. Oui, mais là c'est soit ça existe, soit ça existe pas, soit ça existe mais dans un jeu. Bah, il y a deux, jeux sur Art Online. Ah. Deux, trois même. J'en ai deux. Alors est-ce que Ganarn ça existe? Pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Est-ce que Lynchwood ça vous dit quelque chose? Comment tu dis? Lynchwood. Lynchwood. Lynchwood. Ah mais ça me dit quelque chose, c'est pas dans un jeu. Lynchwood, c'est pas un truc dans Silent Hill ou... comment ça s'appelle le film, le jeu de Frédéric Reynolds. C'est dans Borderlands 2. C'est ça, bien joué. Ouais. Dis-moi plus. Ça parle de quoi, Borderlands? Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur Lynchwood? Super Solus. Mais t'es un enculeur! Effectivement, Lynchwood, c'est une ville de Borderlands 2, et c'est là d'où vient Nisha, un personnage que tu peux jouer dans Borderlands The Pre-Sequel. Ah, le Pre-Sequel, j'ai pas fait, excuse. Qui est la pistolero. Voilà. Je connais Litchfield, moi. Mais... Ah oui, c'est dans Borderlands. Orange is the New Black. Oui, oui, c'est ça, oui, voilà. Est-ce que Neren, ça existe? Ah, c'est un autre personnage que ça essaie de nous faire passer pour une ville, moi je dirais non. Comment tu dis? Neren, N-E-R-E-N. Ça existe pas. Moi je dis non. On sait Ren à l'envers, ça. Bah à l'envers, ça fait Neren aussi. N-E-R-E-N. Ouais, mais c'est un palindrome. T'as toutes les lettres, quoi, à quelque chose près. C'est un palindrome. C'est un palindrome, oui. Comme radar. Et ça n'existe pas du tout. Ah! Non, tu le fais des palindromes. Bon, écoute, j'ai fait un générateur de noms aléatoires. Est-ce que Angsha, ça existe? Ouais. Angsha. Angsha. Angsha, c'est pas dans... Ça existe. Angsha, c'est pas dans... Beyond Good and Evil? Pas du tout. Pas à ma connaissance. Ça n'existe pas. Si. Ah. Ça existe. Bah, ou si triche pas parce qu'il est en train de manger si là. Si ça existe, je veux bien savoir où. Je sais pas. Ah bah ça existe pas. Oh, t'as qui ? Ça existe pas. Ça existe. Ah merde. Ouais, voilà, tu vois, j'ai raison. Oui, mais où ? Je sais pas. Un ton cul. Pourquoi tu dis ça à chaque fois ? Parce que. Encha. C'est ton nom de ville. J'aurais dit Bayan au bout du niveau. Là. Ça, c'est un nom de ville dans Deus Ex Human Revolution. Ah, c'est le néo. C'est le nom de la ville. Ah, parce que, ah oui, parce qu'à un moment ils vont à Hong Kong, je sais pas. Est-ce que Ordin ça existe? O-R-D-I-2-N. Ordin. Ordin. Ordin. Mais c'est dans Warcraft ça, non? Non, pas du tout. World of Warcraft. Ah bah non, c'est en Zelda ça! C'est le pont, c'est le pont d'Ordin. Là on touche à quelque chose. Il y a le pont, c'est là où tu fais le duel à chaque fois contre le maître sanglier là, dans Twilight Princess. Voilà, c'est une région de Twilight Princess, la région Ce pont il est aussi des Gorons et du village Cocorico. Ce pont il est aussi. Pourtant j'y ai joué à celui-là. Mais pour une fois que c'était un jeu auquel j'avais joué. Bah, c'est un stage de Super Smash Bros aussi. Et ce pont on le retrouve aussi dans Breath of the Wild. Quand on connaît la mythologie de Zelda, il y a plein de trucs qui sautent aux yeux. Non mais c'est vieux, c'est les débuts de la Wii, ça, ça date de quand? Les débuts de la Wii. Le Twilight Princess? Ouais. Bah, c'est le début de la Wii, ouais. Bah oui, parce que il est sorti, ouais. Il est sorti en même temps. YouTube, hein. Ouais. J'ai les deux. C'est le jeu qui a permis de la craquer. Oui, c'est vrai. Mmh. Avec le premier hack a été fait grâce à une sauvegarde de Twilight Princess. Mmh. Est-ce que Kyrs Ramiz, ça existe? En deux mots? Non, en un seul mot. K-I-R-T-H-M-A-Z-I. Oui, ça existe. Alors, K-I-R-T-H-R-A-M-I-Z. Kyrs, il est persuadé. Ça existe. Kyrs Ramiz. Moi, je connais le Kyrs, mais. Le Rami aussi. Le Rami. Donc, je dis oui, c'est les deux. C'est le Kyrs et le Rami. C'est des gens qui. Qui jouent au Rami en. Ils vendent du Kyrs. Et c'est pas des gens qui jouent au Kyrs en vendant du Rami. En vendant du. Quoi ça s'appelle l'alcool des Pays Basques, on n'appelle pas des Pays Basques, des Pays Slaves, là, je sais pas comment ça s'appelle. La vodka. Ah, encore un autre truc là. Alors je vais pas le reprononcer, mais si tu sais dans quel jeu c'est, je veux bien savoir. Le Jägermeister. Pour moi ça n'existe pas. Ça doit être de la bière. L'eau de vie qu'ils ont. Ouais. Pour moi ça n'existe le pas. Le Kyrs c'est de l'eau de vie. Bah, la vodka. C'est de l'eau de vie de cerise. Je sais, mais il y a un autre truc encore. Le rachi ou je sais pas quoi c'est. Est-ce que Illys ça existe? Illys. H-I-2-L-Y-S. Oui, moi j'aurais envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais je sais pas dans quoi. À partir du moment où il dit l'orthographe du mot, ça veut dire que je pense que c'est. Non, parce que l'autre il est. Je vous ai appelé Kyrs Ramiz. Hein. Oui. Voilà, c'est gens qui jouent au Kyrs. Si ça existe. Et qui boivent du Rami. Tiens, moi je me suis tapé des olives. Veux-moi qu'il arrive, Tom. Eh bien, Illys, ça existe, c'est un nom de planète. Hein. Dans Star Wars. Putain, non. Je viens de la comprendre. Masturbation Effect 2. Comprendre quoi? La blague sur Olivier Tom. La connerie de Gandalf. Ah, je suis même pas écouté. Tapenade et Tom. Ouais, Tapenade et Tom, voilà. Ça, c'est quand il se fait écraser sur la route. Tapenade et Tom. C'est Masturbation Effect. C'est l'effet de Masturbation 2. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de citer Effet de Masturbation 2 parce que j'ai jamais joué. Donc, Illys, nom de planète. Ouais. Dans Beyond Good and Evil. Ah. Tu vois, j'avais raison. Tu vois, j'avais raison. Le jeu que personne n'a joué. Est-ce que Truce, ça existe? Non. Parce qu'on est les Tuches. T-R-U-C-E. C'est pas mon exemple? Non. Les Tuches, non. Non, ça n'existe pas, Truce. Non, ça n'existe pas. Azertov, est-ce que Truce, ça existe? T'écris ça comment? T-R-U-C-E. Non. Truce. Bon, s'il insiste, on va dire que ça existe. Et je sais qu'ils vont en sortir la tuche de Siberia, tout ça. C'était un tordu. Tordu de Siberia, mais sortir de Siberia. Je dirais oui, mais je sais pas dans quoi non plus. Ah. C'est dans quoi alors? Là, je sais pas. C'est dans un jeu. Je voudrais bien savoir. Quoi? Ah, il y a Péremptoire qui vient de revenir. C'est Tetris. Aide-nous! C'est Tetris. Péremptoire, est-ce que tu connais un jeu dans lequel il y a une zone, un village, une ville, une région? Salut Révan! Une planète qui s'appelle pour de vrai Truce. Bah, hello? Et salut Révan aussi. Aidez-nous! Je le vois pas. Bah, il fait re, ensuite il y a Révan, ensuite il y a lui. C'est quoi le principe? Faut trouver. C'est impossible. Je donne des noms de lieux, de régions, de pays, de planètes, de villes, de n'importe. Il faut me dire si ça vient d'un jeu ou pas, et si oui, de quel jeu. Le pire, c'est que plus on voit, on trouve, plus on boit. Et donc là, on est sur Truce, T-R-U-C-E. Est-ce que non. Ça vient d'un jeu? Non, ça n'existe pas. Non. On sait rien. Bon, bah si vous êtes persuadé que ça n'existe pas. Moi je connais Bruce Team. Tu vois, ça n'existe pas. On va dire que ça n'existe pas, c'est dommage parce que c'était la ville de Chrono Trigger. La ville de Chrono dans Chrono Trigger. Putain. Ah oui, c'est la ville où tu te. Faut. Hey, t'es dans le festival là, mais oui, ça y est. Est-ce que Caron ça existe? Caron? Moi je connais Emmerich. Caron. Caron, C-H-A-R-O-N, quoi. Charon. Oui. Caron. C'est pas dans Devil May Cry? C'est pas aussi dans Twilight Princess, ça? Non. Ah, Pépé confirme que c'est bien la ville de la foire. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, moi j'aurais dit un truc genre Devil May Cry. Alors, Caron. Caron, Charon. Charon, mais de toute façon, c'est celui qui. Ça se prononce Charon Stone. Charon Stone, c'est celui qui t'amène sur le stick, c'est ça, non? Même ça se prononce Caron. Voilà. Caron Stone. C'est celui qui t'amène sur le stick, c'est ça, non? Mais en plus, ça existe en vrai. Bah, qui te le fait traverser, surtout. Mais voilà, plutôt, c'est ça. Caron, c'est un truc qui existe dans un jeu vidéo, mais aussi en vrai. En vrai. Et dans bah, jeu, dans jeu. Puisque Caron, c'est un satellite de Pluton. Ah, d'accord. Alors, donc, ça existe en vrai. C'est dans Mass Effect. Ah, bah t'es Mass Effect 2, l'effet de masturbation d'eau. Et Charon, il va être le Caron au cul. J'ai fait toutes les blagues, je peux pas retirer. Est-ce que Aguzayaka, ça existe? Oui. Oui. Oui, mais dans Yakuza. Aguzayak, pardon, il n'y a pas le à la fin. Aguzayak. Dans Yakuza. Ça change. 2. Dans Yakuza 2? Ouais. C'est ça. Naruto Shippuden Ultimate Revolution 4. Aguzayak, ça vient de générateur de noms. Ah merde. Oh fuck. Ça n'existe pas. Est-ce que Warda ça existe? W-A-R-D-H-A. Dans WoW. Warda. Oh. Dans WoW. Dans WoW non. Ah, c'est pas dans WoW. Dans WoW non. Dans LOL. Dans LOL non plus. Ah, je vois pas du tout ce que je dis ça. Pas du tout non plus. Warda? Je sais pas. Non. Tu me regardes. Quel type de jeu? Aucun jeu. Ah, ah bon. Mais c'est pour ça qu'on s'est. Et voilà, un gros enculade. À la mer. Putain. Tic-tac-tac, j'en étais où? J'en étais à Warda. Rapture. Oui. Ah oui, ça c'est BioShock. C'est BioShock, ouais. C'est BioShock en effet, c'est une ville. BioShock 1 et 2. Oui. Et oui, 2 parce que c'est parce que le 2 c'est juste une extension, c'est le 1.5 du malheureusement, mais il est très bien quoi. Est-ce que comme Kolzgrad ça existe? Comme Kolzgrad? En Russie. Alors c'est Medal of Honor PlayStation 3 mots. Un seul mot, comme Kolzgrad et qu'avec des K et des Z. Je sais pas la ville dedans, non? Je sais pas. K-O-M-K-O-L-Z-G-R-A-D. Comme Kolzgrad. Ça doit exister en Pologne. Ah, et Pépé nous confirme d'ailleurs, c'est dans BioShock 3 aussi à un moment. Mais le 3, j'ai pas fait le Infinite, j'ai pas fait par contre. Ma soeur, oui. Pourquoi? J'ai pas. Mais moi, non. Comme Kolzgrad, non? Si, ça existe. Ah, en Pologne. Ça aussi, fait un nom très. Oui, très. C'est une ville de Polak. C'est dans Sibéria. Eh ben, exactement. Putain, ouais, j'en étais sûr qu'il allait nous en sortir un stordu. Stordu de Sibéria. Ouais. Dans Sibéria 1. Évidemment. Ah, c'est dans le 1 ? Oh, je prends du bateau. C'est dans le 1, la ville où t'as l'espèce de géant avec le marteau et le fossile. Ah oui ! Ça y est, je vois. C'est juste une station en fait. Mais ça existe ce comme tordu de Sibéria, tu vois, les tordu. Tordu. Est-ce que Eredrite ça existe? Dans WoW? Non. Merde. Ça existe pas. Dans LOL? Ça existe pas. En Pokémon? Pokémon? Non. Ça me dit quelque chose, Eredrite. Eredrite. Parce que ça a l'air elfique comme ça, comme nom. H-E-R-E-D-R-Y-T. Il met pas de H que les elfes. Pas du tout. Bon, les H c'est pour les orques. Ouais, pour les nains. H, c'est pour les nains. C'est pour les nains. Et oui, ça fait pas très crédible dans, comme nom avec le H au début. Ben c'est plutôt à la fin, le TH ça fait. Ouais, c'est ça, mais là non. Mais là du coup, non, c'est rien du tout. Ben, tu vois. C'est générateur de nom automatique. Ah, fait chier les mouches. Est-ce que Akala ça existe? Alors comment ça s'écrit? Akala, voilà les Dalton. Akala. Il y a plus personne. Akala, c'était les Dalton. Dans WoW. Akala. Non. Pokémon Go. En fait, chacun on se concentre sur un nom de jeu. À noter que Cap de Nat. Bien un moment ça Pokémon va sortir. Quoi. Ben, je vérifiais, mais je crois pas que j'ai mis de nom de WoW. Ah merde. Ou de League of Legends. Voilà, je te le dis tout de suite. Non, il y en a pas. Après, je peux t'en improviser un comme ça au débeauté, mais. Pépé dit dans BOTW. Exact. Zelda. Un Breath of the Wild. Le patron, lui. Ah, bah oui, mais. À quel, hein yeah. Ah, mais c'est la ville que tu construis, là, non? Il y a une région de Breath of the Wild qui s'appelle Akala. Ah, oui, c'est la région tout au nord, là, je crois. Oui, que tu Akala jamais. Merci, Evan. Akala Swinga. Non, Akala Shnikov. Ah! Akala Swinga, da, la, dir, la, da, da. Akala 47. Oui. Comme les Kibi ? Oui. Mais avec un de moins. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en avait un, c'est des bombes, mais pas pareil. C'est des munitions, mais bon. Est-ce que Blanchefleur, ça existe ? Oui, dans Zelda. Non, c'est pas dans Pokémon, ça ? Ah non, non, non. Je le confonds dans les Floridiens. Blanchefleur. Bon, probable, oui. C'est mignon comme nom en plus. Mmh. Ça fait nom de tout ce que l'on dit. Dans Animal Crossing. Barbie et la licorne magique. Non. Non, c'est pas dans Animal Crossing. Pas du tout. Alors là, Blanchefleur. Répète. Blanchefleur. Répète. Barbie. Répète. Barbie. Non, c'est pas ça. sur le chat. Ils n'ont pas sur le chat Blanchefleur. Non, Pépé, il est sur Akala Miam Miam. Akala Miam. Mais ça, ils sont partis en délire. Akala Glouglou. Witcher. The Witcher. The Witcher 3. 3. Oh, trop fort. C'est qui a dit ça, Pépé? Pépé. Moi, je le recharge. Merci les Playthroughs. Ah. Les Playthroughs. Et. Deux points D. Oui. Majuscule. Grand D, majuscule. Est-ce que Shujin, ça existe hein? Shujin. Shujin. Au Japon, probable. Ça fait japonais. Ouais. Soshite, c'est japonais. Ilu. Dans Dance Dance Revolution. Y a pas de... Y'a pas de ville. Y'a pas de ville, y'a rien. Dance Dance Revolution, t'as des morceaux de musique. Et pourquoi pas? Enfin, pourquoi de musique... Oui, c'est marrant. C'est plutôt ça. C'est la rythmique de Patrick Sébastien. Shujin. Shujin. Non, t'as inventé. J'ai inventé Shujin? Non, oui. Je n'ai pas inventé Shujin. Shujin. Shujin. Yelu. Il va donc falloir l'aide du public. Ouais. C'est dans un jeu japonais. Quel type de jeu? Bushido. Bah, Shujin. Animal Crossing. Un jeu japonais. Non, pas, c'est du RPG, d'accord. Bon, bah, la vanne, pas faux. Bah, j'ai pas encore vu. A priori, c'est un jeu japonais. Oh. Bah, jeu japonais, ouais. C'est un jeu, je pense que Gandalf lâche à lui. C'est Jay. Ça va pas être un jeu italien, quoi. Hentai en folie. Alors, la question. Avec ou sans cello? C'est ça. Toujours sous blister ou pas? Toujours sous blister. Ah. Fire Emblem? Non. Non. Kingdom Hearts? Non, mais je pense, ils sont déjà dit. Je pense qu'il a un double exemplaire. Hein. Pokémon. Il a un double exemplaire sous blister. Persona. Pokémon. Persona 5, Shujin, c'est le nom du lycée de Persona 5. Ah ouais? Ah non, mais il est ouvert. Ah, il est ouvert. Merde, il l'a ouvert depuis le temps. La version collector du 3, Wizardry Earth. Mais oui. Mais oui. Oh, Revan, mais j'ai dit oui, Wizardry. Mais oui, Wizardry. Mais oui. Là, c'est Persona 5. Ah non, mais Persona, la version collector du 4, je l'ai ouvert hein, sur Play 4. Est-ce que Kowloon, ça existe? Kowloon, ouais. Oui. C'est un quartier de. C'est le de Hong personnage Kong. Qui fait. La non, Kowloon, c'est un quartier de Hong Kong, ça doit être dans un jeu de. Ah, j'ai confondu avec Kowloon. De. Kowloon. avec King Jun Moon. Kowloon. K-O-W-L-O-O-N. Kowloon. Oui, ça existe. Bah oui. Ça me dit. À Hong Kong. Non, je te dis pas non. Je te dis pas non. Moi. Dans Yakuza 3. C'est un jeu qui se passe à Hong Kong. Toi, tu dis Yakuza 3. Non, il y a aussi. Call of Duty. Dans le film Batman, donc, je sais pas si dans les jeux vidéo ça y est aussi. Putain, mais. Moi, c'est pas celui que j'ai. C'est pas un Batman, c'est Superman. Non, c'est pas celui que j'ai en tout cas. C'est branlé. C'est un jeu chinois. Un jeu où il y a des kung-fu quoi. C'est un petit peu raciste quand même. Mais non, pas forcément. Les Chinois, ils font mais non, du kung fu. Il y a si. Des jeux de kung fu, il y a des. Et Pépé, il dit Sleeping Dog. Sleeping Dog. Non. Mais non, d'habitude, sur ça, Sleeping Dog, ça se passe aux États-Unis. Je crois que c'est un quartier chinois. Mais je suis pas. Non, j'ai raison. J'aurais presque dit Stranglehold, le film. Call of Duty. Non. Moi j'aurais presque dit. C'est pas ça, Rival. C'est pas ce que j'ai. J'aurais presque dit Stranglehold parce que Stranglehold, il est bien. C'est le film. Le jeu de. C'est une ville qui existe en vrai, mais c'est oui, c'est vers Hong Kong, me semble-t-il. Je te dis, Fast and Furious, l'adaptation, The Game. The Game. The Film, The Game. The Game, The Film, The Game. The Game of The Film. Fast and Furious, Tokyo Drift, The Game. Le coup, c'est pas dans Street Fighter? Et c'est pas dans un jeu de bagnole? Drift, non, c'est pas un jeu de bagnole. C'est pas un jeu de bagnole. Les bagnoles. Les bagnoles. Arrêtez, monsieur. C'est un jeu dont on ne verra jamais la couleur du troisième épisode. Shenmue ? C'est Shenmue 2. Ah. Tu vois, c'était un truc Yo, chinois. Yo, Suzuki, va crever. C'est un truc chinois, crever. C'était pas raciste. Non, parce qu'il va en Chine, c'est un japonais qui va en Chine. Pour retrouver sa famille. Mais si, c'est vrai. Est-ce que Jackson, ça existe ? Jackson, oui, c'est Richardson. Une ville aux États-Unis. Richardson. Jackson, Richardson. Est-ce que Jackson, ça existe dans un jeu ? Dans un jeu, c'est GTA. Pas dans GTA. Dans The Crew. Jacksonville ou Jackson Si c'est une ville des États-Unis, dans The Crew, vu que tu te balades dans tous les États-Unis en bagnole, ça y est, forcément. Je demande le point. Sans gros. Et les mouches, Kita. Empêche, elles font moins les malines. Moi, je dis que ça existe, mais... Il doit bien forcément y avoir un jeu où il y a un android qui s'appelle Jackson. Bah oui. Mm. Mais ça se trouve même dans un... C'est quel type de jeu ? Action. Mais ça se trouve même dans GTA, il y a un truc qui s'appelle Jackson, il sait même pas. Crash Down. Il m'a dit non, mais ça se trouve c'est oui. En vrai. Watch Dog. Watch Dog 2. Récent ou pas récent ? Watch Dog 3, mais il est pas sorti. Non, mais il était spoilé. Moyennement récent. The Division. Ça fait 5 ans ? Je sais pas. Peut-être. Un jeu d'action ? Moins. Putain, mais il mouche. C'est pas un jeu de bagnole. De course de bagnole ou de stade de foot ? Alors, Jackson, ça existe dans un jeu. Et c'est dans le Wyoming. Oh, Wyoming! Mais c'est un endroit fictif dans le Wyoming, dans le jeu. C'est pas Far Cry 3, ça? Far Cry 5? Non? Je sais pas si tu veux le faire tourner, le 5. Mais... Il est pas sorti, tu me diras. Mais... C'est un jeu où il va y avoir un 2. Ah, mais. Sleeping Dog. Watch Dog. Chut, faut pas en parler. Last of Us. C'est The Last of Us. Le dernier d'entre nous. Le dernier d'entre nous. Ça. Ah si, on a le droit d'en parler. On n'a pas le droit de dire. Pour, comment s'appelle la meuf qui était à Podren l'autre jour là? Adeline Chetail. C'est elle qui veut pas qu'on en parle. Non, mais elle a pas le droit. On n'a pas le droit d'associer les deux en fait. Mais d'accord. Elle veut pas qu'on en parle de quoi? Bientôt il y a Lost of Us 2 d'ailleurs. Bientôt. Ouais, c'est peut-être qu'elle doit faire la version. 5. Merci Pépé, mais c'est Last of Us. Est-ce que Arroyo ça existe? Oui. Non. Non, Tenten au Congo. Tenten au Congo. Bonjour, c'est Tenten au Congo. Tenten, messier. Le secret de l'icorne. Bonjour, messier, je vais vous aider. Mais c'est raciste. Bah, Tenten au Congo aussi. Ouais, mais c'est dans le contexte. Le Congo belge. Redis le nom. Arroyo. Le Congo belge, il a dit. Mais Arroyo, ça me dit quelque chose en plus. Mais vraiment. Les deux chances que ça te dise quelque chose. Arroyo. Ah, c'est dans Zelda, ça. Non. Non. Arroyo. Que ça lui dit quelque chose. C'est quel type de jeu ? Far Cry 5. Non, c'était dit tout à l'heure. Ah mince. Bah, moi, ça vient d'apparaître, moi. Ça vient d'apparaître. On fait péter le serveur. Je crois que c'est de l'action FPS. Il me semble que c'est un FPS. Red Dead ? Non. Red Dead, de toute façon, c'est sur le PSO. Sans Row, Juste Cause. Tout ça, c'est pas des FPS, de toute façon. C'est des TPS. Ah oui. Unreal. Doom. Far Cry. Doom. Far Cry Doom. Far Cry Doom. Far Cry Doom. C'est quoi, c'est américain ? Oui. Plutôt vieux ou plutôt... Ils en sortent régulièrement. Plutôt Assassin's Creed. Non. Plutôt un jeu de bagnole ou plutôt pas un jeu de bagnole ? Non, pas un jeu de bagnole. Ils en sortent souvent. Après, j'y ai pas joué, hein, donc voilà. Mais ça me dit quelque chose. C'est un FPS, t'as dit ? Mais quand même, tu dois savoir si c'est un jeu de bagnole. C'est du FPS, oui. Call of Duty. Non, tu dis que ça lui semble quand même. Si c'est pas que c'est du FPS, Call of Duty, faut plus un bon lui. Il dit qu'il y a jamais t'as joué. T'as une vue FPS, mais c'est plutôt de l'action, me semble. Mais en Rage ? Même du FPS. Ah, c'est quand même du FPS. Lim, mais c'est rim, plus de l'action. Skyrim. Dès qu'on sait pas, on dit Limrim Skyrim Masturbateur Effect 2. C'est en plusieurs mots ou. L'effet de masturbateur. Bah, c'est en plusieurs mots parce qu'il y a deux derrière. Mais... Ah chaîne mou. Chaîne dure. Chaîne dure. Sleeping Dog. Non. Watch Dog. Non. Dog. Il n'y a pas de dog. Ah. Nintendo. Watch. Tu dis qu'il y a un 2 à la fin ? Ouais, il y a un 2. C'est Miami Vice ? Non, GTA. Hotline Miami. Hotline Miami, non. Non, c'est pas un FPS, Hotline. Non, c'est rien. C'est un but de dessus. C'est un but de dessus, ouais. Arroyo, gozaimasu. C'est quoi ton... Arroyo. Je pense que Arroyo, un jeu américain. C'est pas James Bond. C'est le nom d'un village. Nightfire. Nuit de feu. C'est le nom d'un village. The Witcher, non, on l'a déjà dit. Horizon Dawn. Ah bah non, il y a pas de... Non, pas dans Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. Personne n'est là sur le chat. Non. Bah si, mais ils sont comme nous. Hein. Ils sont comme des cons comme vous. C'était en Fallout 2. Ah, le 1 j'ai fait, le 2 non. Ah, t'as pas fait. Ouais, mais t'aurais du FPS. Oui, mais c'est, oui, c'est du FPS. Ah non, Fallout, non, c'est du tactical là, ouais. Ah ouais, mais c'est vrai que c'était une vue FPS. C'est pour ça que le 3 et le 4, c'est du viol. Bethesda, je sais que le dernier auquel j'ai joué, c'est même du. Enfin, c'est une vue FPS, mais c'est très tactical parce que tu peux même viser. Ah, bah c'est le 3 ça. Sur la tête ou une partie. D'accord. Et comme des cons, comme des cons. C'est pas un jeu ça, Rayman. Il y a marqué petit passage pour. Oh oui. Scab. I'm a scab man. Ça existe ou pas? Bidibidibidipop. Scab. Ouais. Scab. Comment? S-C-A-B-B. Ça existe pas. Scab. Alors t'aurais dit Sab. J'avais un truc. Je partais en voiture là. T'as pas mis de double jeu dedans? Double jeu. Non. Vu que Zelda est déjà passé, t'as pas un autre Zelda? Non, il y avait deux Zelda, mais après j'ai pas mis deux fois le même jeu. Et j'ai pas mis d'autres Zelda, ou d'autres Fallout, ou d'autres Shenmue. Scab. Scab. I'm a Scab man. Scab, je peux vous dire que c'est le nom d'une île. Dans Morrowind. Metroid. Non. L'île Scab. Moi je dis Skyrim. Donc ça existe. Morrowind, Oblivion, Daggerfall. Quel type de jeu ? Je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai pas joué. Oh bah voilà. Oh bah oui. Voilà. Je cherche, je cherche. Si tu veux. Alors comment toutes les paraphilies que j'avais citées, ben je les ai testées. C'est pour ça que ça me prend du temps de faire des dossiers. Moi, qu'est-ce que tu crois de ça ? Quand j'ai que je suis allé enculer des vieux nains, elle m'a fait bizarre. Hein. Zertov, quand il a commencé à collectionner les étiquettes de chapeau. Il est même genre avec la brouette. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit ? Pour faire ce dossier, je vais en chier des ronds de chapeau. Alors, j'ai trouvé... Un jeu d'aventure. Okay, avec des épingles. C'est un point and click. Myst. Oui, c'est du point and click. Ouais, mais t'as triché, du coup. Oui. Myst, non ? Non. Non. Myst, Marvel. Monkey Island. Monkey Island. Deux. Ah oui, mais j'ai dit ça au hasard, alors si en plus il faut sortir un numéro, j'ai eu de la chance la une fois, pas deux. Comment s'appelle le 2, c'est pas la revanche de... Je sais pas. Le... de Buck, non, comme il s'appelle le méchant, le fantôme. J'ai plus le nom, c'est pour ça en fait. Casper. Non, il s'appelle comment le fantôme dans Monkey Island, le chat? Vite. Vite. On se dépêche là, si on en coupe le live. Hein. On coupe le live et il n'y aura plus jamais d'épisode. Non, je déconne parce que c'est pour ça qu'on va être célèbre, donc on va pas couper, on n'est pas débile. Buck, Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Ah oui, voilà. Chuck's Revenge. Ah, ah oui, le Chuck's le Revenge. Le Chuck's Revenge. Le Chuck. Le Chuck nourrice. Le Chuck nourrice. Alors, ensuite, on a quoi? On a Anor Londo. En deux mots? Ah, oh, le Chuck et Pépé nous l'a mis. Pépé nous l'a mis. En deux mots, on a Anor Londo. Je dis c'est faux parce que c'est Marlon Brando. Bien vu. Ouais. Mais non, c'est vrai. Peut-être. Ah ouais, ouais. Marlon Brando, parce qu'il était tellement gros à la fin qu'on pouvait même pas en faire le tour. Même à plusieurs, en se donnant la main, on pouvait pas y aller. C'est pour ça qu'on l'appelait Marlon Brando. Il y avait un grand dos. Moi, je l'appelais le gros Brando. Le gros. On gagnait du temps, avec sa fille Cheyenne, là où je sais pas quoi, quel merdier. Donc, un Orlando, oui, ça existe. C'est le nom d'une ville. Astrid. Oui. Strict létal. C'est le nom d'une ville. Prepare to die. Prepare to die. Oh, mais ça, c'est Dark Soul. Dark Soul. Dark Soul 2. Dark Soul 2. Prepare to die. Soshite. Dark Soul 1. Sin of. Sin of Shug of the King, là, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas le bon jeu, Pépé. Si. C'est Dark Soul. Oui. Ah. Est-ce que c'est Demon Soul? Bah moi j'ai Dark Soul 3, mais je crois que c'est un lieu qui revient un peu dans toute la saga de Dark Soul. De Dark Soul, Bloodborne. Anor Londo, donc oui, c'est une ville de Dark Soul. Les amis, prépare to die, ça doit être ça. Hein. Faut donner le point à Pépé. Hein. Pépé, one point. Oui, c'est le prépare to die, c'est l'extension. C'est l'extension, c'est le DLC du 1. Hein. Chupa Rosa. Chupa Mele. Non. Chupa me mucho. En premier, ça veut dire du son. Chupa rosa. Non, non, c'est un seul mot. Ah, rosa. Mucho. Mucho, suce-moi doucement. Mucho, mucho, ça veut dire suce-moi doucement. Oh, c'est une proposition comme une autre. C'est... Chupa rosa. Ou chupa rosa. Moi, je connais Rosebud, mais... Moi, je suis plus partisan du chupa rosa. Chupa. Chupa me. Truc d'Henryo avec la tête de squelette, non? Non? Avec la tête de squelette? Grim Fandango? Non. Grim Fandango? Non. Ce n'est pas Grim Fandango. Team Shuffle? J'ai jamais joué, à cause de Pépé, je le connais. Oui, c'est pareil. Ah, Chupa Rosa, ah là là, ah, ce jeu. Il nous fait, même lui fait durer le suspense. C'est quoi comme type de jeu? Action-aventure. Hein? Action, aventure. Gueule, la sortie sur PC. Putain, il a essayé de nous arranger là. Mais... Ah, donc ça veut dire que c'est pas encore sorti sur PC, mais c'est sorti sur console. Ouais, j'en ai quand même. Hein. La ville liée. Chupacabra. Bah, Guacamele. Non, non, non, non, non. Chupa Rosa, Chupa Rosa. Une ville d'un jeu action-aventure en monde ouvert. Une open world. Un open world. Un action adventure with a quick time event and an open world with a voiture with go vite with chevaux horse with Red Dead Redemption 2 et oui j'avais oublié parce que moi avec ma soeur les mexicains on a pas kiffé parce qu'on avait pas été à bouffer des burritos on a arrêté le jeu là. Fallait jouer avec un sombrero, on a arrêté. On avait l'air con. Est-ce que Kamiki ça existe? Non. Kamiki, c'est tout mignon, Kamiki. Non, moi je dirais non parce que. Je dirais non parce que. Parce que je dirais non. Non. Ça n'existe pas, Kamiki. Kamiki ça existe. Kamiki ça existe et c'est dans un jeu vidéo que ça fait longtemps qu'on doit le faire. C'est le nom d'un village dans Okami. Okami, oh, c'est tout. Ah, c'est ma... Non, c'est pas moi qui le fais, c'est ma soeur qui le fait. Et pour de vrai d'ailleurs. Mais moi j'ai toujours pas fait. C'est ma soeur qui dit c'est les tortillas en fait. Est-ce que vous connaissez un endroit qui s'appellerait Faerûn? Faerûn. Putain, c'est un nom de Skyrim. Ça. Mais un seul mot. C'est un nom Fé, F-E, et Rune. Bon, oui. Ça peut pas être Zelda puisque tu l'as déjà dit. Non, ce n'est pas Zelda, ce n'est pas Zelda. Si ça existe, c'est pas Zelda. Alors, bon, Skyrim, Oblivion, Morrowind, Daggerfall. Avec un monde généré procéduralement. Très mal. Moi je trouverais torpiller les olives. C'est quel type de jeu? Parce que c'est un jeu déjà. Ah, bon bah non alors. Si, moi, si, c'est un jeu. C'est un piège, j'en ai marre des pièges, c'est plutôt culeur de piège. C'est un jeu. C'est un jeu, c'est pour jouer. Quel type de jeu? C'est du RPG. Du RPG. Alors, Final Fantasy, on a déjà dit. Romancy Saga. Donc, je dirais même que c'est du jeu de rôle. Du jeu de rôle ou du RPG? Du jeu de rôle. Oblivion? Non, je l'ai dit. Non, comment il s'appelle là, les jeux de. D'Obsidian là, Pass of Exile. Non, pas Pass of Exile. Comment il s'appelle là? Non, c'est pas Pass of Exile. Symphony. Tales of Symphony. Non. Tales of Symphony. Tales of? Non. Non, non, c'est pas du Tales of. Odyssey. Je parais que c'est du RPG occidental. Oui. Mais tu dis, c'est pas le jeu d'Obsidian là, qu'ils avaient fait un Kickstarter pour ça là, ou c'est comment ça s'appelle Divinity? Hein? Quand ils sont sur une vitre. Ouais, non, mais là, pas. Non, non, non, non, dans Divinity, c'est si c'est hyper belle la vie. Parce qu'après, il y a l'autre jeu là qui est pas mal, là, que j'ai pas fait là. Ils avaient fait un Kickstarter là. J'ai plus le nom de Je suis pas sûr que vous ayez joué à un jeu avec un endroit qui s'appelle Faerûn. Ah bah ça n'existe pas. Si, c'est le nom d'un continent. Dans Baldur's Gate. Ah oui, pas du tout. Ah bah j'étais pas loin parce que moi je parlais de... Comment il s'appelle? Mais c'est dit le jeu là, putain. C'est vieux hein, Baldur's Gate. Qu'ils avaient fait un Kickstarter là, à la con là. Putain, le nom d'un continent de Greyhawk. Et qu'ils ont pas annoncé, je sais plus comment il s'appelle ce putain de jeu. Bah Divinity 2. J'aurais dû trouver celui-là. Divinity 2, j'aurais pas trouvé. Obsidian, c'est ceux qu'on fait, bah qu'avait fait les anciens de Baldur's Gate en plus. Est-ce que Vigrid, ça existe? Non. Non? Parce que ça fait longtemps qu'on en a pas eu. C'est vrai, ça fait longtemps que je vous avais pas fait des coups. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire non. Je suis pas cabro. Tu dis non. Yob. Chuck non. Testa. Tout le monde est d'accord sur le nom? Moi je dis non, oh, oui. Je dis Chuck Testa. Tout le monde est d'accord sur le nom. Bon, bah tant pis alors. Hein. On va dire que ça n'existait pas dans Bayonetta. Du coup, c'était quoi? Vigrid. Je me rappelle même pas. Alors c'est pas Tyrannis, mais Pillar of Eternity. Ah, Pillar of Eternity. Et oui, parce que c'est qui a fait tout ça là? C'est Obsidian, et c'est des vieux là qui avaient fait des... Je crois que c'est des vieux de Baldur's Gate qui avaient fait tout ça. Est-ce que Kippo, ça existe? Qui? Kippo. Comme oui. Kippa, mais avec un avec un autre. Si je la quitte po, je la quitte po. Kippo. Si je mets la kippa, je la kippo. Pour ça, ouais. Putain, kippo. Putain, je vais marquer deux Dungeon Siege 2, Dungeon Siege 3, quoi. Putain, c'était une catastrophe, ça. Le jeu, il ramait, il était nul, grand cul. Je vais dire oui, mais je sais pas quoi. Ah. Sinon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait des faux. Hein. C'est peut-être un faux. C'est peut-être un faux. Mais peut-être que je n'ai plus des faux aussi. T'as jamais joué à Tyranny? Non. Normal, c'est pas... Mais en attendant, est-ce que Kippo... C'est quel type de jeu? Tu connais Kippo? Kippo? Ouais. Ouais, ça fait fou, Kippo. Fou, c'est du RPG. Oh, merde. Japonais ou occidental? Oh oui. Japonais? Oh oui. Très japonisant? Oh oui. Xenoblade? Non. Xenoblade Chronicles X. Dragon Quest? Non. Oh, RPG japonais. C'est du vieux RPG japonais. Oh. Si je me trompe pas, hein, après. Final Fantasy 3. On peut toujours se tromper. Non, hein, là, on a déjà dit Final Fantasy, à part Zelda, il n'y avait pas de Ligue. Mais les Final Fantasy, il y en a 14, mais 15. 15. 16, non. Ah, ouais, si, c'est ça, c'est du vieux RPG japonais, je me trompe pas. Là. Ah. Je me trompe pas. J'ai presque envie de dire Fantasy Star, même si personne n'y a joué, parce que c'est le jeu de l'amour, ça. Est-ce qu'il est bien celui-là? On va regarder, ouais, c'est quand même... On n'était pas très très grand quand c'est sorti. Hein. Ça dépend. Chrono Trigger. Ça dépend qui. Moi, j'étais pas très très grand quand c'est sorti. Quoi. Moi, j'avais forcément plus de 15 ans. Boule vieux. RPG japonais. Un RPG japonais début, des débuts 90, quoi. Ah ouais. Comme ça, on va avoir Fantasy Star, Pokémon. Bon, non, Pokémon, c'est plus ça. Il y en a d'autres. Final Fantasy 2. Yo, ne sais pas. The Children, pas mal, tu vois. Si, vous connaissez ça. C'est connu ? Oui, le nom est connu. Le nom est très très connu. Bon, par Fantasy Star, Romancy, Seiken Densetsu. Ah. Aussi Secret of Mana. Voilà. Donc c'est Seiken Densetsu 2. Seiken Densetsu 2. Parce que le premier était Secret of Mana. Tu connais Secret of Mana. Mais... Voilà, moi aussi je connais deux noms. C'est vachement bien. D'ailleurs, ça je l'ai fait par contre. Est-ce que Coriander ça existe? Oui, Coriander. Star Wars. Non, pas Coriander. Ah, merde. Coriander ou Coriander. T'as la chance que j'ai pas envie de péter parce que moi je t'aurais fait un coriander. Coriander, si tu veux, coriander, ça marche. Coriander. Coriander. En deux mots. En un seul mot. Ah, il est tombé par terre. C'est la faute à coriander. Et il est dans le ruisseau, c'est la faute à coriander. C'est la faute à Han Solo. Mais il est pas tombé le premier dans l'eau. Il est pas c'est d'abord Han Solo qui est tombé dans l'eau et après il est tombé. Bah de toute façon Han Solo first fall fire first. Ouais, fire first. On est des vrais geeks, on se pose des vraies questions. Et je vais noter qu'il faut chasser tyrannique parce qu'il est bien sûr. On l'avait tellement mal, on dira putain. Ah bah là je vous en ai balancé des noms de jeux que vous pouvez faire, je pense. Hein. Parmi tout ce que j'ai name droppé, il n'y a pas grand chose à jeter, je pense. Non, très peu. Et il y a très peu de jeux que j'ai fait. Dans ce jeu. Bayonetta il est bien, mais moi je l'ai fait sur Play 3 à l'époque. Et à part putain, qu'est-ce qu'il ramène. À part les princesses toilettes. Toilette princesse, Borderlands 2 et Siberia, je vois pas grand chose dans ma liste. Déjà pas mal. Donc Coriander. Coriander. Non. Il y a un... Je sais pas, ça me fera. Hein. Ouais, celui-là il était un peu compliqué. C'est le nom d'un village dans Valkyrie Profile. Mais oui, ce putain de jeu. Je l'ai acheté, je l'ai ramené du Japon exprès, mais c'est pareil, j'ai pas la play qui fait tourner quoi. C'est dommage parce que c'est un super jeu, c'est l'un des derniers jeux. Mais comment tu le sais, tu y as pas joué? Non, c'est un c'est l'un des derniers jeux Squaresoft. Mais non, c'est pareil, tu peux pas y jouer. Mm-hmm. Tu veux faire, c'est pareil, c'est pas sorti en Europe, c'est rien. C'est... Mais j'ai un copain qui était arrivé à le choper en import, il me l'avait montré, ah ouais, sacré jeu. Après c'était de la vraie fausse 2D 3D là, c'était un peu. Ça, par contre c'est un peu mal vieilli ça. Comme Valgrind Story, c'est un peu mal vieilli. Quoi. Et donc on va finir avec Kona. Est-ce que vous connaissez quelque part K-O-N-A. Kona. Je connais. Koma. K-O-N-A. Kona. Je connais Sona. À mon avis ça existe aussi. Non, Sona. Dofus il l'a dit tout à l'heure. Oui, il a fait Ankama. Enfin, il a fait Dofus. Ouais. C'est une belle ville, Kona. Quel type de jeu? Moi je dis que ça existe. Moi je dis. Mais les jeux, je sais pas. Bah Naruto Shippuden, non? Ah, non. Naruto! Y'a pas un patelin? Konoha. Ah merde. Naruto Shippuden, le Cobalt Revolution. Storm. Ça peut exister dans Civilization. Cobalt, on cherche le nom d'un jeu dont la ville s'appelle Kona. K-O-N-A. Je crois que ça existe. Tout. Pas sûr parce que. Il existe comme Soma, il y a Kona, non, il y a pas un jeu qui s'appelle Kona en plus qui est sorti récemment. C'est un jeu animé en plus, Kona. Enfin, qui est très proche en termes de. C'est un jeu chapitré en plus. C'est un jeu où tu joues un gars dans la neige. Et il faut que tu t'abrites après des. Faut que tu fasses du feu et tout pour t'abriter. Moi, il répond où là, il sait pas non plus. Quel type de jeu du coup? De gameplay? Quel type de jeu? Aucun jeu. Ah merde! Espèce de balandrin de fils de pute, t'essaies de nous torpituler le cul. Oh pardon, c'est les nerfs. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. C'est fini mais pour mon quiz. C'est fini, voilà, c'est fini pour le quiz, mais il y a du rab. Il y a du rab. Il y en a plus, il y en a un peu trop, je vous laisse. Il y en a un peu en rab, je vous le mets avec. Bon, on va passer au rab, ouais, au quiz au rab, secret de l'invité secret. Alors, mais pas l'invité secret. Je vais mettre en plus. Moi je mettrai le mien parce que si ça finit dans le trou de balle cette histoire, je peux te dire que. Je pense que t'as les copains, ils peuvent te dire. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Franchement, tu te poses le boss, hein. Tu peux le mettre en épitaphe sur ton. On va. Ah ouais, en tweet recommandé quoi. Ah ouais, quand même. Allez, vas-y, on met ce jingle là. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle. Alors du coup, on va demander, oui. Non pas... Moi j'étais en service commandé. Service commandé. Et c'est la première fois qu'on a un quiz de quelqu'un d'autre que nous. Ah non, c'est pas un quiz, c'est un dossier. Un dossier, pardon. L'invité qui fait un dossier. Ouais, voilà. Bah ouais. La folie. Prends-en de la graine, oui, wish. Prends l'air. Non, il fait une kenton, là. Il vient, puis il fait pas de dossier. Quel connard. Voilà, pour annoncer le dossier, j'avais une petite question à vous poser. Alors, qu'est-ce qui fait 1m68, qui pèse 48 kg environ, qui est né le 11 février 1982, blonde aux yeux bleus avec un 90B, et qui ne partirait pas de chez Gandalf sans avoir le cul qui fume? Non, mais même chez moi, sans déconner, je fais 1m68. Donc. Est-ce qu'elle est anglaise? Tu fais 90B? Si je me branle pas de deux jours, oui. T'es pas blonde aux yeux bleus? Attends. Non. Moi je suis blanc aux yeux bleus, mais je fais un peu plus de 1m68. Et t'es pas né en 82 non plus? Non, bon, j'ai du retard quelque part. Il y a un moment, comme Madame Courgeot, j'ai dû finir dans le congélateur et me ressortir. Parce que je vois pas. Avant de commencer, je veux bien qu'on ouvre. Ah oui, c'est pas con ça! Ah oui, parce qu'on a oublié. Et vous aurez la réponse après. On va laisser le chat réfléchir à cette énigme. Ouais. Alors si ça fait du je sais pas quoi des. C'est soit un transformiste, soit une femme, hein. Je sais rien. Il y a quand même peu de chances que ce soit un homme, hein. Ouais, ou alors une voiture. Une voiture. En transformiste. Alors c'est une transformiste ou une transformeuse. Une voiture diesel. Une voiture diesel, ça le fait aussi, une voiture diesel. Ouais. Alors, comme vous le savez, on est en été, donc j'ai ramené une bière de printemps. Voilà. C'est qui? Bon, mais c'est pas tellement un diesel, je crois qu'elle a pas trop besoin de chauffer. Bah là, elle va être à température, là. Ouais, elle va être vraiment à température, là, on va finir tout bien. Et donc, c'est une bière, la divine, de printemps, donc voilà. Sinon, c'est une bière blonde de haute fermentation. Donc c'est une grosse bouteille. Ça fait longtemps que c'était pas tapé un gros cul. Bah non, merde. 6,8 degrés volumétriques. On va être bien. On va tchac de bain, bidoute. Hein. Il va courir au chiottes à la fin de l'épisode. Putain, c'est parti. C'est comme avec moi, c'est parti d'un coup. J'ai absolument rien compris. Alors qui Ça mousse. Qui comme veut. Oh ben moi, ouais, je veux bien. C'est l'effet mousse. Donc alors si je résume les enregistrements, il faut que tout le monde en ait. C'est une référence qu'on avait avec Randall à Podren. Bon, si je résume Gandalf, alors t'en as une petite, tu peux enculer les mouches. Ça part quand tu maîtrises pas. J'avais dit que j'étais un monomane. T'as foutu de la bière sur ton écran, mais t'as une goutte de bière, c'est qui t'embête, je pense. C'est pas grave. C'est un écran Windows, ça tient au bug déjà. Tu écoutes pas le Cozy Corner? Merci. Bon, c'est pour faire le tour. Attends, Il faudrait que j'écoute. T'as pas fini quand j'ai écouté. S'il y a un épisode où il parle de l'effet mousse de baise. Ah. C'est quoi ce truc? C'est l'effet. Quand on rentre pour ceux qui sont venus copain. J'ai jamais vu ça quoi. C'est l'effet mousse de baise. C'est l'effet. Quand ça mousse. C'est-à-dire que t'as déjà éjaculé, mais tu continues. Et en fait, ça finit par mousser et c'est pas bon quoi. Tu vois. Et en fait, il illustre ça par d'autres exemples. Par exemple, Death Note. Mon dieu. Death Note qui est vachement bien. Et en fait, ils en font trop avec la saison 2. Et du coup, c'est pas bon. La deuxième partie de l'histoire. Voilà, tu vois. C'est l'effet mousse de baise. C'est Mehdi. C'est Médoc. Non, c'est une belle allégorie de la vie. Oui. Et il y avait Randall qui avait la ref à Podren. Oh, c'est dépassé. Que de gens formidables à Podren, quand même. Voilà. Il faut donner la date parce que moi je connais pas. 1er avril. 31 mars et 1er avril 2018. Ouais. 8 allées, Léon Lebert. Soon, Lulule pour G89. Ouais, non, un petit pis. Moi, Kickstarter. Un Indiegogo. Si tu veux. Ah, Indiegogo pour niquer les gens comme ça, c'est bien. Ou une cagnotte Litchi. Un kiwi. Moi, je ferai une cagnotte de naissance. C'est encore mieux. C'est encore plus drôle une cagnotte de naissance. Pour faire pour le petit Gandalf à Rennes. Pour le petit Gandalf. Le petit Gandalf va arriver bientôt. Il fait 3 kilos pour de vrai. Il s'appelle Gandalf 83. Bah, elle est bonne, la zippy, quand même. Hein. Elle est légère, elle passe bien. Mais un peu plus fraîche. Si, ouais. Quand même. On a mis trop de temps pour. On aurait fait des dossiers plus courts, elle aurait été meilleure. Bon alors vous avez trouvé le thème ? Soit sur le chat apparemment. Non mais je pense qu'ils ont pas entendu parce qu'ils ont pas répondu. C'est là que je me rends compte ça fait 4 minutes que y a rien en fait. Là je me rends compte que c'est là que le chat a quand même une grosse limite pour mettre de photos. Là c'est vrai que là ça aurait. Et surtout j'en avais sélectionné, j'ai même des guides. Sauf si tu les mets dans tes tweets. Et du coup ça remonte dans la partie photo. Ah oui c'est même pas hein, parce que moi j'ai fait j'avais pris une photo que j'ai tweetée. Tu l'as envoyé avec l'apéro ? Je l'ai tweeté avec mon compte, je l'ai retweeté avec le compte apéro en mettant le hashtag apéro original. Je crois que ça part pas les photos, j'ai pas mis les retweets et tout. Parce que j'ai mis que sur le apéro. C'est que j'avais oublié de mettre le hashtag, du coup j'ai retweeté avec le compte apéro en mettant le hashtag. Ah oui, c'est que il récupère pas du coup, c'est sur le premier tweet. Je te confirme. D'accord. Attends, je vais tenter. Mais non, ça se précise, il est bien passé, ouais. Avec ta photo, je pense. Mais là, moi, pour l'instant, c'est sur la photo avec la bouteille de coca et... Ouais, c'est ça, parce que s'il faut faire spécifiquement avec du guacamole. Il y a du guacamole pour ouvrir, encore. Vas-y, ouais, je vais prendre avec ça. Ah, ils sont bien ces apéros originaux. Donc, alors, de qui qu'on parle ? On y va. Je vais finir. C'est moi. Bon, donc... C'est du combien, déjà ? C'est du combien de dés ? 90B. B ? Ouais. Putain, je voyais plus. Quelqu'un peut ouvrir le guacamole. Ouais, mais les corsets ça aide. Les corsets ça aide. Oui. Je dis pas que B c'est petit. Mais bon, il faut un homme fort dans cette assemblée. Tu sais, la main. Il fallait demander à moi, là, forcément, là, avec le parti national podcastique. Moi je suis l'homme fort de la situation. Donc du coup on va parler Nathalie Dormeur. Ouais. Oh, il était trop brûlé. Et du coup ça fait près Starcraft 3 avec le Dormeur s'est réveillé. Mais Starcraft 3 c'est pas sorti. Oui pardon, Warcraft 3 pas. Ouais. Quand tu cliquais comme un code sur les... Donc oui c'est Nathalie Dormeur qui est une actrice anglaise, elle est née à Reading dans le Beckshire, je sais pas comment ça se dit. Beckshire. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Elle est issue d'une famille modeste, mais sa famille est liée avec les barons Dormeur. Modeste Ouais, modeste liée avec une famille de barons. C'est une famille qui date de juin 1615. Oh, pas mal. Bah avant, je sais pas, ils sont apparus comme ça sans doute, mais bon, a priori la famille ça date de ce temps. Tout ça pour en arriver à là quand même, ouais. J'ai quand même ce balai. Il y a tant d'années pour arriver à ça. À la perfection. Elle se destinait à des études d'histoire à l'université, et faute de l'étudier, bah, elle va vivre en profondeur dans les Tudors. cependant. Pas ça. Non, c'était sur Wikipédia comme ça. C'est vrai. Les gars, ils ont osé ça sur Wikipédia et personne n'a rien dit. Non, je me serais pas permis d'adapter. C'est tellement bon. Cependant, elle change d'orientation et s'inscrit à la Weber Douglas Academy of Dramatic Art. Mais y'a rien d'autre à foutre. Elle va être diplômée, elle pratique également l'escrime à l'académie. Elle pratique l'échangisme à l'académie d'escrime de Londres. Vite, trouvons quelque chose à échanger. C'est aussi une chanteuse mezzo-soprano et danseuse. Doit bien bouger du boule, hein. Doit bien bouger du boule. Bouge, c'est pas Edouard, c'est qu'on sait qu'elle bouge bien du boule. Nathalie a grandi avec sa mère, son père. Qui a grandi avec Nathalie Dormeur, par contre. Un frangin et une sœur. Elle est également passionnée de poker. Elle a participé au tournoi féminin mondial de partypoker.com où elle est arrivée à la seconde place du Celebrity Hit. Ça. Voilà. Elle est choisie en 2005 pour intégrer le casting de Casanova, qui apparemment est disponible sur Netflix depuis peu. Où elle joue aux côtés de j'ai écorché son nom, Ledger, donc celui qui jouait Ledger, voilà. Ouais. J'ai hésité. Feu, le Joker. Feu Joker. Feu Joker et Chevalier. Joker réveille le goût. Et elle joue le rôle de Victoria donc dans Casanova. C'est parti là, l'apéro il est là. Du coup elle est repérée dans ce film là, dans le film Casanova. J'ai cherché, elle était pas tellement à poil hein, dans ce film là. Hein. Non mais ça c'est un peu c'est un peu le truc Eva Green, parce qu'Eva Green c'est pareil, c'est dit pour pas que les gens me voient à poil, je vais me dire que moi me mettre à poil dans le second film. Mais c'est ouais c'est un peu ça. Voilà. Comme ça au moins tu sais qu'il n'y a pas de photo de toi à poil. J'en avais une image de Casanova, bon ah ben non ça veut pas s'afficher. Ah mais tu m'étonnes qu'ils veulent pas le. Enfin, ouais. lui pas été... Non, justement, là, pour l'instant, elle a gardé ses fringues. C'est dommage. Et ouais, donc, sa performance dans Casanova lui permet de décrocher un contrat d'exclusivité avec les studios Disney pour trois films qui ne verront jamais le jour. Ah, voilà. Mais, bon, elle a un peu la guigne, ça me plaît. Et en 2007 et en 2008, elle décroche le premier rôle féminin des deux premières saisons de la série Les Tudors, aux côtés de Jonathan Rhys Meyers et Henry Cavill. Elle y joue Anne Boleyn. Alors là aussi, j'ai un visuel. C'est-à-dire qu'elle s'est fait baiser par Superman. Bon, apparemment, il y avait une scène qui était un peu près mythique dans les bois. Il y a eu des arbres, c'est ça. Oui. Et quelqu'un a sorti sa branche. Et apparemment, la branche était mal placée. Apparemment, elle a mal. voilà, elle joue. C'est du bobé. Elle joue Anne Boleyn, la deuxième infortunée épouse du roi d'Angleterre. Elle reçut de nombreux éloges pour sa performance dans l'interprétation de son personnage. Surtout dans la scène du bois. On imagine que ça a beaucoup pesé dans les balances. À nouveau, elle sera saluée pour ses performances professionnelles et sa capacité à endosser un rôle presque à la perfection. Et ses capacités buccales, c'est ça. Tu t'attendais voir le truc arriver, c'est ça. Après son intégration à la série Marple. Elle a joué là-dedans. Ben ouais, apparemment, elle a fait quelques épisodes dedans. En 2011, elle intègre le casting de Captain America, où elle faisait une courte apparition à la lune Captain America. Il y a même celle qui joue Clara aussi. La secrétaire. Ouais, l'espèce de secrétaire de l'armée, là. Ouais. Elle essaye de le choper derrière les étagères. Il y a celle qui joue Clara aussi. Non, Doctor Who. Non, Captain America. Non, mais c'est vrai. Coleman Oui, Oswald. Ouais, qui joue. Ouais, il y a. Dans Captain America. Oui, Captain America, oui. Oui, mais enfin, maintenant Captain America, je. Non, mais alors c'est vraiment un rôle de merde, c'est vraiment. Ah oui, bah de toute façon, Nathalie Dormer, pareil, dans Captain America, c'est une scène quoi. C'est 20 balles, on la voit plus longtemps, je parlais de Nathalie Dormer. Ah oui, mais. Il faut attendre 2012 pour que sa carrière redécolle, notamment grâce à la célèbre série américaine Game of Thrones, où elle est choisie pour jouer le rôle de Marjorie Tyrell. Alors que la série est toujours en production, sa prestation est de nouveau saluée, et croyez-moi, dans cette série, elle aura chaud au cul jusqu'au bout. Ça, tu l'as rajouté. Non, c'était dans Wikipédia. À noter que ses performances sont difficilement à applaudir parce qu'avec une seule main. T'as vu, j'ai introduit le petit spoil. Parce que c'est plus dur d'applaudir. Parce que c'est vachement plus dur d'applaudir qu'avec une seule main. Ou pas. Non, mais moi, je l'écoute pas. Pourquoi ? J'en suis juste avant. Je suis juste avant. Ah. Oui, tiens, j'avais aussi un visuel pour Game of Thrones. Non. J'en ai choisi un, j'ai essayé de. Ah oui, mais c'est au début ça. Non, mais parce que sinon en fait, c'est un diaporama qu'il faut. Bon, la maman tout à l'heure à Cap Denac, elle avait pas du B, mais là quand même, j'avouerai que ça ferait quand même très plaisir. Dès 2013, elle apparaît dans le rôle récurrent d'Irene Adler dans la série Elementary, c'est une adaptation de Sherlock Holmes. Oui. Mm-hmm. Version américaine. Ouais. Avec Lucy Liu et. Dans le rôle de Sherlock. Oui. Enfin, j'ai jamais regardé, mais je connais pas. C'est comme Lucy, mais toi. Elle fait également aussi de la fiction audio sur la BBC Radio 4, où elle interprète Dor dans une fiction tirée du roman Neverwhere de Neil Gaiman. Oh, mais ça c'est bien, ça, du Neil Gaiman, ça j'aime bien. Sinon, après, ouais, dans les trucs plus récents, elle joue le rôle de Charlie dans le film anglais The Riot Club, aux côtés de Sam Coughlin, qui sera aussi son partenaire dans les films Hunger Games, les deux derniers, où elle va jouer. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dedans, qu'elle est rasée chelou. Ouais, moitié rasée, là, ouais. Où elle joue le rôle de Cressida. Dans Riot Club, elle est aussi avec Max Iron ou Douglas Booth, qui est sorti en 2014. On s'en fout, ça, non. Donc Hunger Games, ouais, c'est par contre c'est en 2010. En septembre 2014, elle est annoncée pour le film Le Patient Zéro, qui lui est pas encore sorti, je crois. Le Patient Zéro, je crois qu'il va sortir. Il va sortir cette année, il me semble. Passage de bouche. Dont la sortie est prévue en 2007, d'après Wikipédia. Voilà, donc. Et elle a joué aussi dans The Forest, aux côtés de Taylor Kinney. Ah, ça, j'ai. Oui. Mais en fait, je connaissais l'affiche, mais je l'ai jamais vue, je crois. The Forest, ouais, c'est sorti l'année dernière, non ? Ouais, mais. Je sais plus si j'ai trouvé des. La forêt, la forêt, la la. Ouais, elle a joué aussi, dans Rush, donc on la retrouve dans ses rôles-titres. Rush, le film avec le film de Ron Howard. Ah bah merde. Avec la voiture. Attends, là, c'est juste le rideau de douche. Ah. Voilà. Ah mais Rush, le film de Bourdon, hein, c'est sûr. Avec Thor là. Oui, bah c'est celui-là, il est vachement bien ce film. Ah, mais j'ai, tu vois, j'ai pas. Tu peux le regarder sur. Oui, non, mais je sais, j'ai éclaté de bonne critique. Sur le pilote de F1 ou voiture de course. Non, c'est pas la F1, c'est. Si, c'est la F1. Si, oui, c'est de la F1. Je l'ai vu, moi je me suis régalé. En 2015, elle s'est partie. Qui reprend, Star Wars. Star Wars, ouais. Bim. Comme ça, mais comme ça aura changé d'ici le mois d'août, on s'en fout. Alors, en 2015, elle fait partie du jury du 26e festival du film britannique de Dinard, où c'est Dinard. Présidé voilà. Par Jean Rochefort. Voilà. C'est-à-dire qu'ils allaient en babouche, c'est sacré Jean. Comment à Dinard, ils allaient en babouche. Ah, bah non, pas... je sais pas. Et puis, dans ses derniers faits d'armes, elle a joué dans Mass Effect Andromeda, où elle double le docteur Lexi. Petit Perrault. J'espère que c'est pas la meuf avec ça, ça, ça se voit pas parce qu'elle a synchro labiale dans ce jeu. Non, elle est très bien. Sauf qu'elle est absente. C'est un DLC. La synchronisation labiale. Ouais, il y a pas mal de. Enfin, c'est souvent qu'on croise ce visuel là où la ressemblance est assez. Assez frappante. Vous l'avez jamais ah croisé oui, ça putain, oui, non, si. Mais maintenant que tu avec le dis, la ressemblance avec Bunny dans Space Jam. Ouais, de oui, oui. Lola Bunny. Ouais, c'est ses yeux. La même moue. La même moue, les yeux. Espèce de gem avec une super musique en fait. Hop, on finit, on arrête tout, j'annule tout, on met un. Passe le stick. Passe le stick et on met, comment ça s'appelle un. Merde. La musique. Donc, ouais, une ressemblance avec une lapine. Bon. Le lapin, la lapine. Le lapin, la lapine. Non, après. Ouais, on s'appelle déjà. Voilà, j'avais quelques petites infos comme Space ça. Jam. Non, mais oui, mais c'est un nom là, quand ils font les petits. En visuel, après, j'ai pas grand chose de plus. Ou... Ah, machin. Puis bon, en audio, ça ouais, passe pas terrible. C'est un nom, chaque fois ils disent putain. Ouais. J'avais le joli gif là que je vous ai déjà balancé. Je vous ai déjà balancé. Mais puis c'est le cas de le dire dès que ça s'affiche. C'est celui avec le doigt ou c'est. Ah merde. Avec le doigt, ah. Ah non, c'est celui-là. Ah oui, ah, où oui. Elle est. Ah ouais, elle sort de l'eau. Bah c'est le. Ah, c'est de l'eau. Enfin, on sait pas. Qui c'est qui a recruté ça de ton podcast? C'est Fabboulou. Ah, mais ça, je l'ai ressorti pas mal. Il y a marre des mouches, hein. Mais que. Nalo Nastiello Nastiello. T'as dit, ouais, pas qu'un peu, ça fait un moment que t'es dessus. Ben non, mais j'ai durement travaillé le dossier. Comment ça s'appelle la merde là, quand ils font des covers là, putain, je veux le voir. Non, après oui, mais je vais essayer de les balancer sur Twitter là, les deux gifs pour résumer Game of Thrones à la Nathalie Dormer. Oui. C'est, en deux gifs, ouais, elle résume bien. Des bons, trop bien. Donc voilà, petit dossier vite fait comme ça. Vite fait, bien fait. Suite à tous les appels du pied de Gandalf depuis quelques numéros. Depuis quelques numéros. RIP quand même, parce que bon. Elle est morte. Dans Game of Thrones. Game of Thrones. Tu viens de me spoiler, voilà. Non, toi, moi je l'avais fait habilement et tout, sans balancer le truc. Et, De toute façon, dans Game of Thrones, ils meurent tous. Voilà. Ouais. Mais c'est fan, ouais. Arrête, quoi. Ça t'inquiète, elle est pas seule à mourir. Ah, mais ta gueule. Elle va être accompagnée. Elle est accompagnée. Oh, oui. Vaut mieux mourir seule ou mal accompagnée? Bon, ça suffit maintenant. Non, j'avais mis le petit spoil moi comme il faut et tout pour pas me balancer tout à la fin. Allez, bon, bah, putain, on va le laisser comme ça. Oui, avec Nathalie Dormer, ce serait dommage de gâcher quoi. D'ailleurs, on balance tout. Je vais pas tout balancer. Et on balance tout d'ailleurs. Et du coup, on boucle la boucle avec. Tu sors un saumon, moi. Moi, je dis quand même, c'est très thématique. Bah oui, il balance tout dans l'arrière. Oui. Et sans photo de Nathalie Dormer quand même. Et ça. Moi, j'essayais de balancer les photos. Parce que sinon, on serait même pas arrivé à la rivière. Au début, de. Tu ressens un saumon, mon fils, quand ils font le concours. Il y a un petit peu d'aide. Il y en a qui cèdent et lui, il fait non. Moi j'ai pas besoin d'aide. C'est l'assistance à la. J'ai pas besoin d'aide, j'ai faire tout seul. J'ai pas besoin des magazines porno. Et bam 3 mètres 7 mètres avec de la grosse sauce dedans. Avec du jus dedans. Quand je fais de la purée mousseline. Je peux dire que tout le monde en prend. Moi je te fais un. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Moi je te fais un gros volcan et j'y mets mon gros jus dedans. Ah, ça nous inspire. Ah, on est très inspiré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense. Bon bah. Ah bah non, t'es pas tout ce que tu dois dire pour ta défense. Non mais maintenant on va boucler. On va boucler. En boucle. Ouais. Tu veux que je mette en boucle? Ah non, on va mettre un petit. On va se quitter sur une petite dicmu quand même. Bah ouais. Parce que voilà. On dit merci, Milou. En ce temps-là, Jésus dit t'as battu, descend du train et gonfle les pneus. Et merci pour le spoil. Merci pour le spoil. C'est de leur faute là. Moi j'espère que oui, je vous ferai un dossier sur Jennifer Lawrence encore cette saison là. Ouais, non, de toute façon, j'ai 2-6 ans de retard, moi. Ah, ah oui. Ah bah oui. Ah bah alors, il y a aussi machin qui... Ah ah, tu l'auras oublié d'ici là, alors. Si t'en fais exprès aussi... Tu t'y attendras pas, de toute façon, au moment que ça... Parce que c'est soucis soudain à chaque fois. C'est flap. C'est si soudain. Flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Ça va t'arrêter dans la branlette. Oh non, elle est morte. Oh, je continue. Tant que c'est chaud. Faut pas te le faire tant qu'il y a des choses. Tant qu'il y a de la braise. Tant qu'il y a la tête de la graisse, c'est pas fini. Ah non, non, tant qu'il y a de la baise, c'est pas fini. C'est tant qu'elle est pas fumée par les deux bouts. Fumée par les deux trous, moi j'aurais dû, bon. Donc, la musique. La musique dans la peau. Donc sinon, moi je mets la musique du James Bond. Alors, c'est très simple. Alors, on est au mois d'août, hein, forcément. Et ça se voit d'ailleurs. Il fait chaud. Le... Oh là là, quelle chaleur. Quelle ouais. chaleur. On a passé le 15 août là. Putain, la vacance, c'est bientôt fini. Putain. Donc, pour fêter ça, on va fêter la sortie très très prochaine du prochain album, le prochain album pardon, de Steven Wilson qui m'avait beaucoup roule au barriqué. Hashtag. Apéro 8.9 pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire roule barriqué, qui avait beaucoup roule barriqué avec son album End Cannot Erase. Et du coup on va écouter un extrait du prochain album qui s'appelle To The Bone et pas To The Booner. Booner. Même si avec Nathalie Dormer To The Booner c'est plus simple. C'est pas... Donc ça c'est une musique qui s'appelle, donc c'est voilà, une musique de Steven Wilson, donc extrait de To The Bone et c'est la musique Paria. Et c'est Paria tous les To The Bone quoi. Ouais, et je vous laisse écouter parce que franchement c'est super. Ouais. On se dit du coup au mois prochain, ouais, on en septembre, c'est la rentrée. À bientôt, à très bientôt. Bonne rentrée. Chouchou. Tired of my feet of clay, I'm tired of days to come, I'm tired of yesterday, and all the worn out things that I ever said, now it's much too late, the words stay in my head. Comfort from me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So Facebook, tired of my failing health, I'm tired of everyone, and that includes myself. We're being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well that's been hell you see. It's Don't you worry, don't worry about a thing. Cause nothing really dies, nothing really ends.